Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi, c'est Hugo, je suis avec Maxime. Bonjour. Et je suis aussi avec Exerve. Salut. Alors messieurs, on se retrouve pour le dernier épisode de la saison régulière de Fin du Game, puisque vous le savez, en juillet et en août, il y aura un seul épisode par mois. Alors d'habitude, il y en a deux, hein, vous connaissez le programme. Voilà, votre émission préférée sera quand même là pendant l'été. Et puis après, on reprendra avec la saison 4, qu'on n'a pas encore préparé. Saison 4 On peut pas le... On n'en sait rien. On ne sait pas. Non, c'est l'épisode de rentrée. Ah, c'est vrai. On l'a décidé, ça. On s'était dit, il faut quand même qu'on ait au moins une idée. Comme ça, on sait par quoi on commence. Un phare auquel se raccrocher. Exactement. Comme ça, voilà, tu vois, le début du fil d'Ariane, ce fil conducteur qui nous guide à travers le paysage vidéoludique. Exactement. Voilà, on va essayer de se prendre une après-midi pour préparer le programme. Voilà, on a pas mal de candidats. Vous savez qu'il y a ceux de la Blacklist, ça, vous êtes au courant. Et puis voilà, on va voir comment garnir cette saison 4, comment alterner entre gros jeux actuels, rétro, indé. Voilà le paysage vidéloludique. Nous l'explorons ensemble. Dans toute sa diversité. Et grâce à vous. Dans toute sa diversité, presque, à deux, trois exceptions près. Les 4X, ce genre de conneries, on ne fait pas. Oui, non, mais c'est trop long, à un moment donné, voilà. Et c'est effectivement grâce à vous sur Patreon qui nous soutenez, qui êtes là à chaque fois et ça c'est beau. Merci beaucoup. Grâce à vous, du coup, vous le savez, on l'a déjà dit, il y a la Blacklist, donc déjà vous prenez un petit peu du pouvoir du cosmos pour décider un petit peu des jeux de la saison 4. On relancera d'ailleurs probablement au début de la saison 4 un petit vote pour la deuxième série, on y avait réfléchi, pareil, ça fait partie des choses qui sont un petit peu on flux, comme on dit, il faut faire une grosse réunion de DG Corp pour pouvoir vraiment établir tout ça. Vrai que le conseil d'administration sera bientôt réuni en session plénière. la retraite FDG, tu vois. Oui, on prend quelques jours. On n'a pas encore reçu le rapport marketing annuel pour voir les tendances un peu du marché. On attend Mélissa et Tiffany de toute façon qu'elles nous fassent leur bilan. Très bien, ça c'est dit. Il faut aussi remercier notre sponsor Third Edition, la maison d'édition spécialiste dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo. Mais pas que. Et pourquoi ? Parce que la nouvelle de ce mois, c'est la sortie du livre de Ruffio sur les liens entre le manga et le sport, enfin les mangas consacrés au sport. J'ai pas le titre officiel, mais fallait me donner le titre officiel, je fais ce que je peux. Ruffio qui avait déjà fait pas mal de choses d'ailleurs sur ce sujet, moi je le connais surtout pour sa chaîne YouTube, notamment Coma. L'émission Coma, voilà. Très cool. Très très belle émission sur le manga, vraiment on vous recommande ça. Ça fait longtemps que ça fait pas sortie, je crois qu'il a un petit peu mis ça de côté, mais voilà, c'était très très chouette. En même temps, son livre, il faut aussi savoir qu'il était prévu pour sortir l'année dernière, souvenez-vous. Le monde d'avant, Covid, les Jeux Olympiques, il y avait une organisation, mais malheureusement, Third, ils n'ont pas le même pouvoir que nous sur le sur ils le aimeraient paysage. Bien, hein, ils aimeraient bien, on le sait, mais malheureusement, voilà, c'est comme ça. On peut leur donner un petit peu, comme ça, des petites miettes du pouvoir, mais voilà. Donc voilà, le bouquin de Ruffio qui va arriver, vous pourrez retrouver ça, sur le site de Third, et puis vous pouvez aussi retrouver Autopromo, le bouquin de Benoît qui va ressortir donc sur Diablo, qui va être réédité. Il est dispo au moment où les gens reçoivent le podcast dans leurs oreilles. Ça y est, boum, vous pouvez le recommander. C'est parfait. Diablo 2, du coup, remaster qui a été annoncé pour septembre, j'ai un doute entre les deux. Voilà, si vous voulez redécouvrir ce jeu iconique avec toute la sagesse qui caractérise notre ami. Même la série, parce que c'est pas que le jeu, tu vois. On parle de Diablo 1, de Diablo 2. De Diablo 3. Il faudrait que je lise ce livre. Gauche, si seulement quelqu'un droit. Pouvait me l'envoyer. Clic gauche, clic droit. Effectivement, pour moi, c'est ça, Diablo, du loot, des machins. Bref, on a fait une belle intro. Je crois qu'on va pouvoir commencer à parler de Dead Space. Le générique, Maxime l'a choisi. Ça va être la petite chansonnette. Je pense. A priori. Petite chansonnette. Sinon, ça met dans l'ambiance. Oui, parce que sinon, en fait, c'est des musiques d'ambiance, justement. Et voilà. On peut prendre des petits bruits métalliques, faire des petits king, king, king comme ça. Et voilà, on peut faire une espèce de scénographie comme ça. Un petit coup de trompette. Et voilà, on se retrouve juste après ça pour un nouvel épisode. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond. Sun is gone when the nothing shines upon. Then you show your little light, twinkle, twinkle. traveler in the dark thanks you for your little spark. He could not see which way to go if you did not twinkle so. Alors, Dead Space, c'est sorti en octobre 2008, plus précisément le 24 chez nous. C'est sorti en dernier en Europe, évidemment. Les Américains avaient la priorité. C'est sorti sur PS3, PC 360. Voilà, c'est typique le jeu AAA de la 7e génération de consoles. C'est développé par EA Redwood Shores, qui deviendra, après en fait, en 2009, qui deviendra Visceral Games. Et c'est en général le studio maintenant qu'on associe comme ça à Dead Space. C'est évidemment édité par EA, Electronic Arts. It's in a game. Est-ce que... It's in a game. Est-ce que c'est le premier jeu Electronic Arts dont on parle dans cette émission que nous aimons et qui nous fait plaisir? Ah, putain, mais oui. Il me semble. Il y a grave moyen, ouais. Je crois pas qu'on ait déjà parlé d'un jeu EA. Il me semble pas. Bref, ouais, bon, voilà, vous voyez comment cette émission est préparée. Je surprends mes camarades avec ce genre de choses. Mais voilà, il me semble que c'est un des premiers dont on parle. Et du coup, bah, on va revenir un petit peu dessus sur EA. Déjà, vraiment, à l'époque, hein, même en 2007-2008, EA était déjà EA, tel qu'on les connaît aujourd'hui, c'est-à-dire FIFA. Il y avait Medal of Honor, à l'époque, qui était très, très populaire. Il y a eu ensuite Battlefield, ça avait déjà commencé. Il y avait aussi les Sims, ça aussi, c'est EA, faut le dire. Il y a les trucs de la NFL, machin, football américain. Tous les jeux de sport, de toute façon, c'est eux. Ouais, hein, quasiment. EA Games, EA Sports, du coup, ils ont vraiment... EA Sports. Il y a EA Games, it's in a game. Il y avait un autre truc, je sais plus ce que c'était, mais bref. Mais oui, en fait, Electronic Arts, donc ça fait partie de ces très, très vieux éditeurs du jeu vidéo, parce que dès les années fin 80, début 90, ils sont déjà là. Ils ont rapidement pris l'ampleur qu'on leur connaît, puisque FIFA, il y a des FIFA 95, 96, etc. Il y avait encore rapidement... un duel avec PES à cette époque-là, mais je crois que justement 2005-2006, c'est le moment où vraiment FIFA va prendre le dessus en fait, c'est le pareil, et s'imposer. Ouais. Comme c'était un studio japonais du coup qui développait ISS, enfin PES, c'est vraiment cette période-là où les studios japonais ont perdu, en fait, tout simplement, là, on va dire, ils ont perdu l'avance qu'ils avaient, et du coup, FIFA a pris le relais, surtout qu'en plus, EA, on va le dire dans l'épisode, a surtout embrassé vraiment à bras le corps le format du jeu service avec FIFA qui est aujourd'hui une usine Afrique incroyable, et du coup de toute façon ils avaient une force de frappe beaucoup plus puissante. Ouais, et puis même déjà à l'époque, hein, vraiment un des plus gros éditeurs, bien sûr. Tout simplement. D'ailleurs, à l'époque, monde, hein. C'était le plus gros éditeur. Ubisoft les a dépassés par la suite, mais à l'époque, c'était les plus gros. Hein. J'ai cherché, tu vois, les publishers là, actuellement le plus gros en termes de chiffre d'affaires. Vous parlez de chiffre d'affaires ou de nombre d'employés, parce que c'est... Non, là, j'ai trouvé en chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, ils ne sont vraiment pas premiers. Hein. Il y a plus gros, il y a Sony, même Microsoft, c'est plus gros, juste la branche jeux vidéo. Depuis, il y a eu aussi Activision et Blizzard. Voilà, c'est ça. Il y a Tencent, il y a NetEase, des choses comme ça qui sont plus grosses, mais à l'époque, je pense que vraiment, ça faisait vraiment 2000, partie du on top 2, top 3. Ouais, je pense qu'il devait y avoir il y avait Activision, les THQ, Ubisoft, ça faisait quand même partie un petit peu des grosses têtes du jeu vidéo. On demandera à Oscar Le Maire. Exactement, il nous sortira les petits chiffres. Oui, voilà, Oscar, si tu nous écoutes, tu sors direct le tweet, on compte sur toi. Je le rapporte sur mon bureau lundi à 8h. On l'embrasse évidemment, Oscar, Ludostri, vous connaissez. Ce qui se passe chez IS, c'est qu'en 2006-2007, il y a un changement de management. A little chain in management, we need that. C'est John Ricciello qui va prendre un peu les rênes de... qui va prendre les rênes de EA, et ils vont entamer une nouvelle stratégie. Alors, qui commençait, il y avait déjà des prémices qui se mettaient en place avant l'arrivée de John, mais cette nouvelle stratégie de mettre en place des nouvelles IP, d'essayer de vraiment se diversifier, de laisser de la place à des studios pour qu'ils puissent créer des nouvelles licences. Et vraiment, de 2007 à 2009, il y a plein de licences très connues qui sont nées. Il y a eu Mass Effect, il y a eu Rock Band, il y a eu Skate, Crysis, Army of Two aussi, qui était une sorte de Gears of War killer, wannabe killer, peut-être pas tout à fait au même niveau. Il y a eu Dead Space, mais il y a aussi Mirror's Edge, Brutal Legend, Dragon Age et Dante's Inferno. Donc voilà, sur l'espace de 3 ans, il y a eu beaucoup d'essais de la part d'EA de développer des nouvelles IP, des intellectual property, avec cette idée de potentiellement créer des franchises. Ouais, des grosses franchises, parce qu'en fait, donc la notion de propriété intellectuelle dans le jeu vidéo, pendant longtemps, c'était juste, on crée une série, ça s'appelle Resident Evil, mais justement, Resident Evil, c'est un bon exemple de montrer que c'est devenu après des films, du coup, ça a pu donner chez Blizzard des livres, tu vois, tout l'univers de Warcraft, de Starcraft, de Diablo, ça a été dérivé en livres, ça a été dérivé sur des cartes à jouer. Enfin, toute cette idée de, en gros, soit faire comme Pokémon ou Star Wars. C'est-à-dire que c'est un peu les deux gros exemples de grosses licences qui sont tellement de merchandising et tellement de possibilités de transmédia autour qu'ils se sont dit, bah, on va essayer de faire ça. D'ailleurs, Dead Space, on en reparlera peut-être, mais il y a eu des comics, il y a eu un dessin animé, il y a eu des romans également que notre ami Max a découvert sur Amazon. Et, les recherches, en fait. Et oui, Max, bah, oui, écoutez, j'ai entendu dire qu'il y a des bouquins, j'ai tapé Dead Space Novel. Voilà. Oui, voilà, bah, bravo Jeff. Hein, voilà, Jeff, il a préempté le SEO. Non, mais le fait est que par contre, il y a à cette époque-là l'idée de créer des nouvelles IP pour un éditeur, ça permet en fait tout simplement de. C'est une espèce de renouveler le sang, si vous voulez. Hein, voyez, ouais, c'est pour donner un petit peu de sang frais. Voilà, et puis lancer des hameçons au cas où il y en a une qui vraiment qui cartonne et voilà, qui devienne un. Par erreur, tu vois, tu crées Call of Duty, tu vois, par erreur, tu crées Fortnite, par erreur, tu crées des trucs comme ça. On ne sait jamais, ça vaut le coup de prendre des risques dans ces cas-là. Et à l'époque, Electronic Arts, bah, n'hésitez pas à balancer du blé pour justement essayer de créer quelque chose comme ça. Oui, parce qu'on reviendra en détail là-dessus pour EA Redwood, mais ils bossaient sur d'autres IP en fait, IP qui venaient du cinéma ou d'autres univers. Donc peut-être que voilà, EA s'est dit, bon, c'est le moment qu'on fasse les nôtres parce que voilà, peut-être que c'est chiant de bosser avec des intermédiaires, peut-être que c'est chiant de devoir redemander à chaque fois, peut-être qu'ils se font piquer les IP par d'autres. Et puis c'était dans l'air du temps parce que du coup, il y avait le changement de génération, on passait sur la HD, tout le monde avait déjà compris que les Japonais allaient être un peu en retard, donc il y avait vraiment un boulevard. C'était un moment, c'est ça, il y avait une brèche pour rattraper le truc. Gears of War était déjà sorti et avait déjà montré la voie à ce que pouvait être un peu le jeu vidéo de cette génération. Et du coup, bah, beaucoup de gens se sont engouffrés à la suite de ça, tu l'as dit, avec Army of Two, etc. quoi. Tout à fait. Mais bah, on le sait aujourd'hui, c'est pas forcément une stratégie qui aura été énormément payante pour EA, puisque bah, la plupart de ces jeux, il n'y a pas eu de énorme succès. Alors bon, il y a eu Rock Band quand même, puisque c'était un jeu un peu plus casual, et oui, on disait ça à l'époque, qui a quand même connu son succès, parce que voilà, les accessoires, les machins, vous jouez à la guitare. Mais sinon, tous ces autres jeux, bah, ils vont connaître des succès plus ou moins mitigés en termes de vente. Voilà, Mirror's Edge aura été compliqué, Dante's Inferno, compliqué, Brutal Legend, compliqué, et Dead Space aussi, ça sera compliqué, et on y reviendra d'ailleurs dessus un petit peu après. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que même Mass Effect, tu vois, qui est un peu, entre guillemets, un monument du jeu vidéo, oui, bon, bah, par rapport à ce que peut vendre une suite de Sims ou de FIFA, on n'est pas du tout dans les mêmes chiffres. C'est ça, je crois que toutes les ventes cumulées de Mass Effect, ça doit être un petit FIFA, tu vois, une année de FIFA, et encore même pas, tu vois. Donc c'est vrai que. Le premier Mass Effect, c'est quoi? C'est 2 millions, on l'avait noté? 2 millions, oui, 5, c'est un truc comme ça. Ce qui est relativement peu, un FIFA. Tous les ans, c'est entre 15 et 20 millions. Oui, FIFA 18, c'est une vingtaine de millions. Ouais, voilà. Et en termes de développement, de pré-prod et tout, il y a moins alors, que c'est quand on moins vous dit ça, parce que c'est vrai que souvent dans le discours jeu vidéo, les gens prennent ça pour de la comparaison. C'est, en fait, nous, on se place du point de vue d'EA. C'est-à-dire que EA, en tant qu'éditeur, qu'est-ce qu'ils se disent? C'est j'ai dépensé tant d'argent, j'en ai vendu tant, ça m'a rapporté tant. Alors que tous les ans, je peux sortir un FIFA et j'en vends autant. Donc, peut-être que vous allez vous dire, oui, c'est des méchants ou pas des méchants, il n'y a pas de morale là-dedans. C'est juste que, bah, du point de vue de l'éditeur, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour eux, ils ont pris un risque en créant plein d'IP. Il n'y en a aucune, à part peut-être Mass Effect, qui a vraiment cartonné. Et encore, même Mass Effect, de leur point de vue, n'a pas tant cartonné que ça. Combien le dollar que j'investis dedans me rapporte dessus? Et c'est sûr que sur un FIFA, le dollar est bien supérieur par rapport à ce que tu vas pouvoir gagner comme retour sur investissement sur un FIFA. Je dis ça pour pas que vous croyiez qu'on critique FIFA ou en termes de qualité. C'est juste une logique vraiment dénuée, en fait, vraiment de morale ou d'éthique qui est vraiment la logique du blé. Ça fonctionne comme ça, un éditeur. Et EA, en fait, sont vraiment des gens qui fonctionnent comme ça. Et on y reviendra, de toute façon, comme voilà, vous aussi, vous venez du futur, on sait ce qui s'est passé avec Dead Space, ce que c'est devenu, donc on reviendra en détail là-dessus, mais on dira peu ou prou la même chose, quoi. On va revenir donc sur la création de Dead Space en tant que tel. À la base, le studio, tu l'as dit un petit peu, Maxime, bossait vraiment sur des adaptations de licences. Je crois qu'il le dit, le Glenn Schofield, le producteur du jeu, qui disait que pendant longtemps, dans sa vie, il a bossé sur des jeux sur lesquels on voulait qu'il bosse, mais il n'avait pas bossé sur un jeu sur lui, pour lequel lui, il voulait bosser. Et vraiment, Dead Space, ça a été le premier depuis très longtemps pour ce studio. Donc, c'était quoi les licences? Il y avait du James Bond, il y avait eu du Tiger Woods, ils ont bossé sur les Sims, et puis ils ont fait le fameux Lord of the Rings, le retour du roi, qui est un jeu qui est apprécié au sein de cette équipe. Peut-être la liste étendue. C'est la liste très étendue. Ouais, dans les côtés rétro, est-ce que c'est intéressant ça? Voilà. Je ne sais pas si c'est intéressant, on pourrait faire un épisode de fin du game dessus. Dites-le-nous sur Discord, est-ce que. Ça, c'est les vraies questions de fin du game, c'est est-ce que c'est potentiel? Mais voilà, un jeu qui avait marqué quand même à l'époque, parce que les films, c'est dans Anneaux, c'était très populaire, et le jeu, il avait ce. Moi, je me souviens, c'était la coop, c'était trop. Mais c'est ça en fait, c'est parce qu'on pouvait le faire à deux, c'était super cool. Il y avait un gros plus là-dessus. Mais donc, voilà, ils avaient vraiment bossé sur des licences, et puis là, ils vont essayer de faire leur propre jeu, sachant que. petite anecdote, je te coupe, juste pour Glenn Schofield, si vous voulez vous amuser à aller sur sa page, donc GameDB ou sur Wikipédia, le premier jeu sur lequel il a travaillé, c'était Barbie. C'était un jeu Barbie et depuis il a travaillé sur Call of Duty. Voilà, donc c'était... moi ça m'a trop fait marrer spectre. Parce que justement, voilà, c'est ça. C'est qu'il a vraiment eu une diversité dans sa carrière, ce type, qui est assez impressionnante. Alors à la base, il voulait faire System Shock 3, puisqu'il faut le rappeler, à l'époque, System Shock, la licence, cette fameuse IP, eh bien elle appartenait à EA, hein, puisque bon, EA il faisait pas que créer des IP, ils en rachetaient aussi à tour de bras. Mais il se trouve que le studio, une grosse partie des gens du studio vont jouer à un petit jeu qui s'appelle Resident Evil 4 et ça va bien leur matrixer la tête et vont se dire ah, en fait on a peut-être pas trop envie de faire System Shock 3, on a plutôt envie de faire RE4 mais à notre sauce. Et c'est comme ça vraiment que va naître Dead Space. Alors à la base le jeu s'appelait Rancid Moon. Il y avait deux idées, c'était de faire un jeu qui se passe dans l'espace, donc ça restera, mais aussi que c'était une prison dans l'espace. Ça me rappelle un peu les chroniques de Riddick. Ouais. C'est pas un délire ça, il y a tout un passage, il y a une prison effectivement, genre dans les jeux, tu parles une planète prison dans les films aussi. Parce que dans les films, justement, c'est Escape from Butcher Bay et l'autre c'était Assault and Dark Athena. Deux excellents jeux que je vous recommande. Vraiment, les jeux Riddick sont très bons. Il y a moyen que le fameux Butcher Bay ce soit la planète prison. C'est la fameuse planète prison, puisque du coup, les jeux en fait sont canons par rapport au film. Voilà. C'est mardi confession, parce que nous on est mardi quand on enregistre, donc vendredi pour vous. Et Alien 3 c'est aussi une. Eh oui. Mais je n'ai pas votre culture, moi, messieurs. Je ne savais pas. Je crois que je sais. Non, mais tu sais, les prisons dans l'espace, en fait, c'est vraiment un trope de l'ASF, parce que quand autour de l'espace. C'est l'Australie. Non, mais autour de la planète l'Australie. C'est un peu l'Australie en vrai. Hein. Ouais, bon, il y a ce concept-là. Disons que quand tu sors de l'Australie, il y a de l'océan, donc ça, c'est pas évident. Mais c'est l'espace, jouable. C'est pire. Autour des murs de la prison, il y a du vide. Donc ça fait très peur. Ouais, mais en termes d'inspiration, entre l'Australie et Alcatraz, du coup, tu dis version SF, c'est dans l'espace. C'est les liens, Maxime. Ça ne vient jamais de nulle part. Tout n'est que cycle, tout n'est que réappropriation, réinvention, comme ça. Donc voilà, l'idée, c'est surtout l'idée de l'espace, donc il va vraiment convaincre le reste des équipes. Ils vont demander à EA quelques mois pour pouvoir essayer de créer ce qu'on appelle une vertical slice. Il me semble qu'on en a déjà parlé de ce que c'est dans l'émission, mais très brièvement de Firewatch qu'on vous recommande, qui en parlait longuement. Putain, vous avez une mémoire, c'est bien. Hein. Ouais. Mais on va peut-être le rappeler pour les gens, qu'est-ce que c'est qu'une vertical slice, c'est-à-dire c'est vraiment une petite section du jeu qu'on va essayer de créer de manière la plus aboutie possible pour donner une idée concrète de ce qu'est le jeu avec l'ensemble des features. C'est pour ça qu'on parle de vertical slice comme un gâteau où il y aurait plusieurs couches comme ça, il y aurait le croustillant, le fondant et puis la crème pâtissière. Et bien voilà, dans cette vertical slice, la crème pâtissière en bas du gâteau, est-ce que c'est très bonne. J'aime bien la cuisine, mais la pâtisserie, c'est pas trop mon truc, vous le comprendrez. Mais bref, ils vont pouvoir faire cette vertical slice et ça va convaincre les gens d'y aller. C'est intéressant de se dire que justement, même si c'est un studio qui avait déjà fait ses preuves, parce qu'ils ont quand même un track record, comme on dit, qui était assez costaud, ils ont vendu plein de jeux, forcément, pour lancer une nouvelle IP, créer un nouvel univers, ça se fait pas comme ça. Ils vont pas dire, entre la poire et le dessert, au mec de EA, coucou, on crée un univers, et l'autre, ils leur disent, allez-y, à tout à l'heure. Mm-hmm. Non, ils leur ont dit, on vous donne un budget, on vous donne une équipe de X, on vous donne 3 mois. Au bout de 3 mois, vous faites la petite interrogation, tout le monde avec les grosses lunettes, tu sais, comme dans le métro, avec les lumières et tout. Genre, alors, qu'est-ce que vous avez fait? Et s'ils arrivent à les convaincre, on leur donne le budget pour pouvoir faire la suite. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient vraiment fait quelque chose de jouable, et c'est ça quand même qui a pu faire la différence, en tout cas selon, pas seulement des images, pas seulement des concept art et éventuellement des idées de mécanique, il y avait vraiment quelque chose de jouable et qui apparemment était quand même assez représentatif de l'expérience finale, même si, il faut le savoir, c'était développé sur la première Xbox, vraiment, on peut voir, c'est possible de trouver sur YouTube les images du prototype, ça ressemble pas encore, parce qu'on est sur Xbox, pas 360, donc on n'est pas encore en HD, mais il y a déjà quand même les bases, on reconnaît, il y a la caméra, mine de rien, on retrouve un peu les bases du GD, quoi. On va retrouver les 3C, quoi. La caméra, les contrôles, le personnage, on a déjà cette idée-là. On retrouve le côté huis clos, des salles, c'est ça. À savoir aussi l'histoire du jeu a été rapidement quand même, vite rentrée dans le truc. L'interview, encore une fois, de Glenn Schofield qui disait, c'était assez amusant parce que l'interview elle date de 2007, qui disait que l'histoire dans les jeux vidéo, ça va être le next big thing, et ça c'est toujours assez drôle à recontextualiser, parce que effectivement, on se replace là, fin des années 2000, il va y avoir les Uncharted Uncharted, il y a Gears of War 2. On, voilà, BioShock, enfin au moment où BioShock, ça, BioShock n'est pas encore sorti. Ouais. Donc vraiment les jeux effectivement. Et les jeux indés n'ont pas trop commencé encore, tu vois. La première vague, n'est même pas. Elle est en train de. C'est une écume qui flotte comme ça. Même si j'imagine que ce qu'il veut dire par story, c'est plus beaucoup avec les codes du cinéma. Je pense avec le côté cinématique, spectaculaire, HD, tout. De toute façon, c'est ce qui a apporté encore une fois Gears et Uncharted. Pour moi, c'est vraiment les deux jeux peut-être les plus représentatifs de cette génération, parce que c'est l'avènement du TPS, grand spectacle, très rythmé, très cinéma, très des explosions partout, des scènes vraiment, tu vois, over the top, comme on dit. Et beaucoup de gens se sont engouffrés là-dessus, et c'était ça qui était devenu en fait la narration. Alors qu'en fait, bon, des jeux d'histoire, on est d'accord, bien sûr, on l'a toujours eu, c'est pas ça qu'on est en train de dire, mais là, disons que pour les AAA, le fait d'intégrer comme ça, de manière aussi prégnante, l'histoire dans un jeu, c'était quand même quelque chose qui était en train de se faire. C'était la mouvance de l'époque, vous voyez, comme aujourd'hui, on a eu les mouvances de Battle Royale, de machin, les open world, voilà. Là, à l'époque, ils se disaient, on va faire des histoires. Bah, et c'est devenu la ligne éditoriale de Sony, depuis. Ouais. Globalement, avec leur gros jeu, c'est ça. Tout à fait. Cette vidéo incroyable d'ailleurs de Game Next Door, une chaîne On recommande à chaque fois cette émission. On pourrait croire qu'il y a des liens avec ces gens. Autre élément très important, c'est vraiment cet élément de design, le Strategic Disassemblement, donc le démembrement stratégique qui va être cette idée de couper les bras, les jambes, enfin, en tout cas les membres des monstres pour vraiment pour s'en débarrasser. Et ça, c'est une idée qui sera centrale et qui dictera tout le design du jeu. Mais on y reviendra évidemment dessus. Petit fun fact rigolo, c'est que, enfin rigolo, plus ou moins rigolo, c'est que pour aller chercher pour le design des ennemis, parce que c'est des bestioles qui sont un peu transformées, cassées, puisque c'est cette espèce de truc nécromorphe qui va venir complètement agresser le corps humain et le casser, ils sont allés voir des scènes d'accidents de voiture pour aller s'inspirer. Donc ça fait partie j'imagine, du travail vraiment très sympa. Alors des développeurs, c'est un petit peu des trucs aussi qui se passent pour Mortal Kombat, des choses. On n'imagine pas forcément cette phase de recherche qui doit être un peu particulière. Ça fait partie des trucs auxquels on pense pas, mais typiquement, je sais pas, pour vous donner des anecdotes, les scènes de sexe dans un The Witcher, les gens font ça. Le font avec leur truc de mocap, tu vois. Donc on se retrouve à avoir des moments où on pense pas dans le jeu vidéo, mais oui, il y a tout un tas de moments où quand tu te dis là il nous faut tu vois blood splatter, tu vas taper blood splatter dans il nous faut des traces de sang dans Google Images et tu vas arriver il y a un débat qui était sorti, je crois que c'était pour la sortie de Last of Us 2, mais c'était un peu confus en fait justement c'était par rapport à Mortal Kombat et les gens ont fait le lien avec The Last of Us 2 alors qu'en fait il y en avait pas, mais parce que la polémique c'était que des développeurs auraient été forcés à regarder justement des vidéos assez trash comme ça pour référence, pour recherche, et que en plus avec le crunch et compagnie c'était difficile à supporter psychologiquement, donc il y a eu cette histoire là-dessus. Donc c'est des choses qui sont ressorties, et je sais pas pour Dead Space il y a eu ce genre mais en fait ce qui était intéressant c'était que ça permettait encore une fois de mettre un peu en lumière une part d'ombre de la création des jeux vidéo qu'on a tendance à taire, alors qu'en fait ça a toujours été le cas, c'est-à-dire que on a besoin de références pour créer quelque chose, on ne crée rien à partir de rien, et donc quand on s'intéresse à des jeux qui vont faire en place de la violence, des trucs gore et tout, il n'y a pas 36 solutions, il faut aller les chercher quoi. Mais la question était autour de l'encadrement de la boîte, à quel point t'es forcé ou pas de le faire, parce que tu restes dans un rapport quand même salarié, t'as pas forcément envie de le faire, mais c'est ton job, et c'est là qu'il y a une vraie question éthique qui se pose. Mais de mémoire, il y a une femme qui avait pris la parole, il y a quelqu'un qui avait pris la parole, je crois sur Twitter, où elle avait fait un thread justement où il disait qu'en fait non, tu vois, c'était pas comme beaucoup de gens l'avaient dénoncé, que non, ils avaient vraiment été pris en charge et tout. Mais bon, après, c'était pour The Last of Us justement. D'accord, c'était Alexandria Neonakis qui avait dit ça pour The Last of Us, qui disait que non, chez Naughty Dog, il n'y avait pas eu, en tout cas à sa connaissance, il n'y avait pas eu ça, contrairement à ce qui s'est passé pour Mortal Kombat. Voilà, on a terminé cette petite parenthèse. tout ça pour dire que le jeu, ils vont vraiment prendre cette vertical slice et ils vont itérer tout simplement pour recréer tous ces niveaux dont le jeu est composé. 18 mois de développement, c'est peu aujourd'hui, c'est vraiment plus les rythmes qu'on a, mais à l'époque c'était déjà beaucoup, il faut se remettre dans le contexte, c'était aussi à ce moment-là vraiment les coûts de production vont exploser, c'est un jeu qui a eu beaucoup pas mal de budget. Alors on a plutôt les chiffres sur le 2 là, on a quand même, c'était un gros budget, on avait noté c'était plutôt 50 millions avec juste autant, pour le développement autant côté marketing, donc on est quand même en budget total au-delà des 100 millions, on est quand même sur du triple A vénère. C'est pour le 2, c'est pour le 2, donc le premier on imagine que c'était quand même moins parce qu'il y avait des ambitions différentes avec le deuxième épisode, Je pense pas que ça soit moitié moins, c'est-à-dire qu'à mon avis on était plus dans les 70-80 marketing plus production qu'autre chose, donc on est quand même sur des très très gros budgets, et encore aujourd'hui c'est oui, un jeu triple A, c'est un jeu qui dit nous ça nous a coûté 80 millions de faire notre jeu, ben oui, ouais, ok, ouais, c'est ouais, du triple A, personne n'est choqué quoi. Tout à fait. Le jeu sort donc, on a un petit 89 sur Metacritic, c'est dommage, à un point près. Ils auraient pu avoir leur bonus. Je sais pas, oui, on sait pas s'il y a eu des histoires de bonus. Mais ils ont eu des récompenses et tout quand même. Hein. Ouais. Ouais, notamment pour le sound design hein, qui a été très récompensé. Je crois qu'au DICE, ils ont eu, je crois, meilleur jeu d'action ou un truc comme ça. Il en parlait, Glenn Schofield, si jamais vous voulez voir, t'as l'interview sur Ars Technica. Voilà. Donc 89 sur Metacritic, un peu plus d'un million, on a noté en 6 mois, c'est ça, un peu plus d'un million qui ont été vendus en 6 mois, ce qui est justement pas énorme, c'est pas énorme, hein, vraiment, c'est pas un très très gros chiffre. En tout cas, pour le budget, le type de budget dont on a parlé, c'est quand même pas mal pour une nouvelle IP, enfin, c'est prometteur, d'ailleurs ils feront des suites après, mais attention, on reviendra un peu sur toutes les raisons de fermeture et tout, mais oui, commercialement, de toute façon, ils ont toujours dit pour chaque Dead Space que voilà, c'était décevant, les ventes étaient décevantes. Mais malgré tout, c'est un jeu qui est un petit peu culte, en tout cas dans nos sphères. Voilà, si vous écoutez Fin du Game, vous êtes probablement une connoisseuse ou un connaisseur. Et c'est un jeu qu'on connaît, qui a marqué quand même cette génération. C'est ça, en fait, c'est au fur et à mesure, au fil des années. Voilà, c'est ça que je voulais dire, qui a gagné donc cette espèce d'aura de classique en fait. Et c'est vrai que a posteriori, il y a plein d'articles qui sont sortis en disant c'était peut-être un des meilleurs jeux de cette génération-là. Je crois que c'était Polygon justement qui avait fait un article là-dessus. Donc c'est assez marrant de noter cette empreinte qu'il a mis dans le jeu vidéo au bout de quelques années, qu'il a gagné au fur et à mesure en fait. Surtout qu'à côté de ça, enfin voilà, c'était l'époque de Resident Evil, le 5 sort quelques mois après, il sort en mars 2009, donc c'est vrai qu'il y avait un petit peu ce débat, cette dualité entre les deux, et c'est vrai que pour des gens, je me souviens des gens qui m'avaient dit sur Twitter quand j'avais dit que je lançais le jeu, que Resident Evil les avait laissés un petit peu sur leur fin, et que ils avaient retrouvé un peu plus, peut-être un peu plus d'angoisse et d'horreur chez Dead Space, donc ça se présentait comme vraiment comme une alternative tout simplement à Resident Evil qui régnait quand même tranquillou sur le truc, même s'il y avait d'autres choses, hein. Il y avait des Fear, c'est quand Fear, Benoît, ouais. Je sais que c'est une série. Oh, j'ai plus la date exacte. Environ 2005. Mais ouais, ça c'est un peu avant. Ouais, entre 2000 et 2005. Il y en a eu plein, des jeux dans le même style. Il y a eu des Condemned, enfin des jeux qui essayaient de refaire un peu de l'horreur comme ça. Il y en a eu pas mal, mais c'est vrai que Resident Evil a toujours été quand même un peu au-dessus du lot, quoi. En termes de vente, hein, on parle toujours une fois. Et puis on disait BioShock, tu vois, le début de BioShock, il est quand même assez horrifique et tout. Après, ça part beaucoup plus sur du FPS, mais oui, t'avais quand même des jeux d'ambiance. Alors, on va revenir comme d'habitude sur l'histoire de Dead Space. Et c'est avec Benoît que nous allons nous plonger dans le lore de cette saga fantastique. Piu, piu, piu. Ah non, ça c'est Star Wars. Ah oui, non, pardon, ça, excusez-moi. Mais on est dans l'espace. Et non, oh là là, n'importe quoi. Alors, donc on est dans l'espace. On est en 2000, on est au 26e siècle. Tout c'est à ça fait, ouais. C'est pas tout à fait Dune, hein, on n'est pas encore aussi loin, mais voilà, donc dans le turfu, l'humanité s'est dit, pour avoir des ressources et continuer d'exister, il faut toujours plus de ressources, toujours plus de matières premières. Ils ont développé une petite technologie qui leur permet de casser des planètes et de récupérer de l'énergie dans les noyaux, ce qu'ils font depuis maintenant quelques siècles peinards un peu partout dans l'espace. Hein, dans Alien, je crois que c'est leur mission aussi, c'est de récupérer c'est ça, des minerais. Oui, de toute façon, on le dira, hein, Alien, oui, ça fait partie des grosses références. Quelques siècles plus tôt, en 2200 et des brouettes, il y a une nouvelle religion qui est apparue d'un coup, l'unitologie. Ça s'appelle, suite à la découverte d'un monolithe, je crois que c'était dans l'Antarctique ou l'Arctique, je sais plus, petite référence peut-être à Cthulhu, j'en sais rien. Il me semble que c'est plutôt c'est pas dans une forêt à la c'est con, peut-être une un forêt, truc comme ouais, ça, c'est plutôt enfin, bref, ils ont trouvé une espèce de machin alien qui serait arrivé sur Terre 65 millions d'années plus tôt. Oh, comme par hasard, la période d'extinction des dinosaures. Non. Et oui, voilà, donc Kojima arrive et nous explique qu'il y a des histoires d'extinction. Laissons vidéo tranquille, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que cette émission? Non, mais en gros, ce truc-là, c'est devenu la nouvelle religion, tout simplement de l'humanité, et en fait ils ont une puissance, on va dire même politique, très très forte, et donc l'unitologie a décidé de faire des petites missions en dehors du gouvernement. Ils ont essayé notamment de recréer leur propre monolithe. Là je vous raconte évidemment des trucs qu'on a appris au fur et à mesure des jeux, c'est pour vous donner une idée de l'univers. Nous tout ça dans le jeu on ne le sait pas, et notamment ils ont construit un monolithe qu'on appelle les monolithes rouges sur une planète Aegis 7, et quelques siècles plus tard les gens ont oublié l'existence de ce truc. Une mission plus ou moins légale va aller miner sur cette planète, faire casser son noyau, machin, et ils tombent sur ce monolithe. Ils se disent, ah, monolithe, trop bien, il faut le donner à nos copains de l'unitologie. Et là, donc, monolithe, trop bien. Ouais, c'est ça, tu vois. Et donc, forcément, ils disent, ok, on le garde. ils se rendent compte quand même que dans leur camp, sur la planète, il y a de plus en plus d'agressions, de gens qui se suicident, de meurtres et tout, alors qu'avant tout allait bien, dans le meilleur des mondes, mais ils se disent pas que c'est à cause du monolithe. Ils le donnent à l'USG Ishimura, qui est un navire qui était, enfin un vaisseau donc spatial, qui a été envoyé sur place pour le mettre, et à partir du moment où il est dans l'Ishimura, c'est la merde, vraiment, le monolithe en fait transforme les gens en ce qu'ils appellent les nécromorphes, hein. Il envoie des signaux psychosomatiques, j'ai lu tout un truc, il y a un wiki Dead Space qui est extrêmement, voilà, SO. Les personnes hier soir, hier après-midi qui était fascinante sur les ondes psychosomatiques. Non mais tu sais, je suis rentré vraiment dans le rabbit hole de l'univers de Dead Space et je me suis rendu compte à quel point c'était travaillé. Donc et vraiment de l'univers étendu parce que bref. Donc nous, en fait, qui on est là-dedans ? Nous sommes Isaac Clarke, un ingénieur qui s'est porté volontaire pour secourir le USG Ishimura. C'est un ingénieur. Et pourquoi il s'est porté volontaire ? Parce que sa copine, Nicole... Son ex, hein, il me semble. Non, sa fiancée. Je crois que c'est sa fiancée. Ah, c'est sa fiancée. Ouais, mon petit bonhomme. Oui, bon, Marc, il pourrait Nicole pas chercher une ex. Nicole Brennan. Ce sera un petit peu cavalier. Bah, c'est un peu creepy, mais bon, ça peut se faire. Hein. Pourquoi pas ? Ouais. Bref, Nicole Brennan fait partie de l'équipage. Et donc, évidemment, bah, il espère avoir des nouvelles d'elle. Et il espère sauver la princesse, tout à fait. Ils arrivent sur place avec une petite équipe composée notamment de Zach Hammond et Kendra, je l'ai noté, Daniels, qui vont être nos camarades de classe pendant tout l'épisode du jeu. Et arrivé sur place, c'est tout de suite la merde. Ils s'écrasent sur le Ishimura, ils ont des problèmes techniques. Rapidement, ils se rendent compte qu'il y a des cadavres partout, tout le monde est découpé, il y a des traces au mur, des gens qui leur disent « coupez-leur les membres », voilà, « cut off your limbs », etc. Et ils se rendent compte qu'ils arrivent vraiment dans une espèce d'énorme scène de crime, on aura l'occasion de le redire. Et en fait, ce qu'ils vont essayer de faire au fur et à mesure, c'est de s'embarrer. C'est pour ça que Isaac arrive dans ce côté d'ingénieur, parce que son boulot, c'est de réparer des trucs. Donc, il va à chaque fois partir réparer la climatisation, le Wi-Fi, le routeur. Il va redémarrer des trucs. La tuyauterie, les trucs. Enfin, voilà, il va tout réparer, la climatisation. C'est Bob le bricoleur dans l'espace. C'est le dernier épisode avant les vacances, on a le droit. Donc Bob le bricoleur essaie de réparer des choses. Et d'ailleurs, ces outils, ils sont bien pratiques puisqu'ils vont lui servir à découper les fameux membres. Il y a le plasma cutter, il y a des trucs à mine, un lance-flamme, les outils habituels qu'on a tous. Quand je fais du bricolage chez moi, j'ai toujours mon lance-flamme. Qui n'a pas son plasma cutter pour changer son... Il y a un tir alternatif d'un truc, tu poses une espèce de mine au sol et elle explose. Hein, logique, tu dis oui, ça c'est pour le plasma. C'est pour redémarrer le wifi, on l'a dit. En tout cas, Isaac, du coup, se retrouve isolé de ses collègues. Chacun doit se débrouiller de son côté et il va essayer de sauver tout le monde. Il est toujours un petit peu dans son truc. Il va rencontrer des survivants, deux unitologistes. Il y en a un qui s'est dit « Ah, finalement, on a peut-être fait les cons avec cette histoire de monolithe. » Et l'autre qui se dit « C'est trop bien les monolithes, il faut plus. Plus de monolithes, s'il vous plaît. » Et surtout, en fait, il se rend compte au fur et à mesure que Nicole lui envoie des petits messages. Donc, il se dit « Ah, mais peut-être que Nicole est encore en vie. » Elle est encore là sur l'ISS. Même des moments où, carrément, elle apparaît. Ouais, elle apparaît. Il doit la sauver, d'ailleurs. Il y a 2-3 moments où on doit découper des monstres avant qu'elle se fasse bouffer, la pauvre. Et donc, il va être, en fait... guidé, on se rend compte que depuis le début c'est un twist, Nicole en réalité est morte malheureusement, s'est suicidée quand elle s'est rendue compte qu'elle allait être transformée en nécromorphe, elle a préféré mettre fin à ses jours avant de devenir ça, et en fait le monolithe peut communiquer des informations aux gens, et Isaac lui en gros du coup a été manipulé par ce qu'ils appellent le Hive Mind, donc l'espèce de grosse bestiole qu'on tue à la fin, pour ramener le monolithe sur Aegis-7, sur la planète. Le poteau rouge est révélé à la toute fin du jeu par Kendra qui nous apprend qu'en fait elle travaille pour le gouvernement humain. Elle était là en fait pour détruire, on va dire, le monolithe et surtout limiter l'avancée de l'unitologie qui prenait trop de place. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais il y a un autre vaisseau, le Valor. Elle est contre. Peut-être récupérer le monolithe, elle travaille contre ou un truc comme ça. C'est pour ça également qu'ils envoient le deuxième vaisseau, le Valor, là, celui qui s'écrase pour tout détruire. Eux, ils étaient là, envoyés les nettoyeurs. Voilà, exactement. Mais bon, manque de bol, le Hive Mind tue Kendra, Isaac tue le boss de fin et il arrive à s'enfuir avec le monolithe qui est resté sur la planète. Du coup, même si le Hive Mind est mort, on se doute qu'il va se passer d'autres choses. Et là, c'est la fin du jeu. Il est triste parce qu'il a appris la mort de Nicole. Et là, bim, jumpscare. À la toute fin, Jérémy Morvan arrive et il fait « Bouh !» Et en fait, voilà, c'est une vision de Nicole nécromorphisée qui lui fait peur. Donc voilà, c'était l'histoire. Dead Space. Et je m'en suis pas trop mal sorti. Ouais, ouais, non, ça marche. Très belle histoire. Merci. Merci. 4 sur 5. Ah, bah, pas mal. Merci. je prends, ça me fait plaisir. Sachant que là, toute la partie lore, c'est vraiment bon, quelques audiologues, quelques dialogues, mais que, comme on l'a dit, 90% du jeu, c'est on va aller là-bas pour faire ça, aller là-bas pour faire ça. Voilà. C'est pas un truc qu'on ressent vraiment. Oui, en plus, jeu, ça, c'est tous des trucs que j'ai noté parce que j'ai pris le temps de regarder le dessin animé, là, Dead Space Dawnfall, parce que du coup, ça raconte justement ce qui se passe avant le début du jeu. C'était sorti quelques semaines seulement après la sortie du jeu. Donc, tout était prévu, vous voyez. Voilà. C'était vraiment vraiment EA avait balancé vraiment ça me beaucoup fait vraiment de penser à ce qu'on avait dit sur Halo avec Fallout Fritch et compagnie. Ouais, hein. C'est ça, ils avaient vraiment anticipé le truc en se disant on va lancer des bouquins, il y aura des comics books, il va y avoir un dessin animé. Enfin, tu vois, c'était l'époque des Star Wars, l'attaque des clones, tu sais, les dessins animés, tous ces trucs-là. Oui, Dark Maul, le double ouais, laser, ouais. Je connais. on va peut-être revenir en premier. Bah, comme on l'a dit, c'est quand même un jeu qui est dans son univers qui est très référencé. Donc il y a du Alien à fond, hein, beaucoup. Ah bah ça, clairement. Il y a aussi il y a The Thing. Qu'on peut penser notamment sur l'esthétique des bestioles, un peu avec ces espèces de grosses tentacules, enfin la tête avec des petites tentacules qui partent et qui se baladent. Il y en a vraiment dans le jeu, littéralement, des bestioles comme ça. Mais la plus grosse référence, c'est un film qu'on connaît pas, enfin qu'on a vu vite fait le trailer, qui s'appelle Event Horizon. That's it, Maxime, that's the right name. Oui. Et du coup, c'est vrai qu'en voyant les images de ce film là, on retrouve vraiment cette esthétique là, notamment sur le côté, vous savez, le décor à l'intérieur du vaisseau qui est parasité comme ça, qui est complètement recouvert d'une espèce de creep dégueulasse. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il y avait dans le film. Je crois que t'as un rapport un peu religieux aussi, parce que je crois qu'il arrive en enfer, le vaisseau, un truc comme ça, et du coup, tu dois avoir un peu ce délire-là. Ouais. Donc ça, c'est les grosses références. Il y a évidemment un peu du 2001, l'Odyssée de l'espace. Moi, quand on va récupérer le monolithe, j'ai fait « Ah d'accord, ok, le monolithe, très bien, merci. » J'entendais les chants, tu sais. En général, quand tu fais un truc SF, à un moment donné, il y a du 2001 quelque part. C'est difficile de pas tomber dessus. La tête de Kubrick qui débarque comme ça. Donc voilà, ce gros mélange-là. Mais même s'il y avait déjà des choses, même System Shock, hein, il y avait un peu c'était un peu le même setting. C'est le même plot de base, en tout cas, c'est que tu arrives sur une station où il s'est passé des trucs, il y a des gens qui sont transformés en saloperies, hein, et il y a des écritures en sang sur le mur, voilà, c'est quand même le même point de départ. Ils voulaient faire System Shock 3 à la base, donc c'est pareil. C'est vrai qu'il y a une espèce de vraie lignée comme ça qui se dessine, hein, avec System Shock, mais bon, même si on n'est pas en FPS, c'est pas de l'immersive sim, mais pourtant il y a quand même quelques petits éléments, tu vois, la télékinésie, le setting et tout est assez proche. Comme tu disais, Maxime, c'est vraiment l'histoire, elle va beaucoup être racontée avec des audiologues. C'est marrant parce que BioShock, ça sort un an avant, mais Dead Space avait commencé à être développé. Et je trouve qu'en termes de narration, on retrouve des procédés vraiment similaires. Donc les audiologues qui vont être là, cette façon aussi qu'ils ont de garder le contrôle sur le personnage et de nous mettre des scènes derrière des vitres. On va avoir des choses qui vont se passer derrière des vitres, on va rien pouvoir faire, mais on a quand même le contrôle sur le personnage. Ça aussi, c'était vraiment très présent dans BioShock. Donc quand même des similarités là-dessus, et c'est vraiment comme ça que l'histoire va nous être communiquée. Et parfois on tombe aussi sur ce qu'on appelle des gros lore dump, hein. On trouve une disquette et là tu peux lire le monolithe en 1700 machin, donc il y a vraiment tous ces trucs. Mais il n'y en a pas tant que ça encore, ça va, tu vois, c'est qu'il y a vraiment vers la fin que j'ai senti que là ils voulaient commencer à te raconter un peu plus l'histoire qu'avant, puisque finalement les audiologues, si tu les rates, déjà tu peux pas vraiment les rater, ils sont toujours sur le chemin, comme on le dira, les chemins sont souvent assez simples, hein. Il n'y a pas vraiment de quête annexe ou de choses comme ça, mais les audiologues, tu vois, tu pourrais ne pas les mettre dans le jeu, ça changerait vraiment pas grand chose. Ouais, c'est ça, parce que du coup l'histoire du jeu, si on s'intéresse uniquement à l'aventure d'Isaac, c'est comme tu le disais tout à l'heure, va réparer ci, va réparer ça, oups, y a plus d'essence, va remettre de l'essence là-dedans, etc., quoi. Et au passage, tue un gros boss. Oui, bien sûr, bien évidemment. Ça reste un jeu vidéo. À un moment, c'est littéralement, il y a une espèce de grosse saloperie qui bloque. T'as un truc qui fait 10 gigatonnes. Vas-y, dans le garde-manger. Oui, un truc énorme comme ça. On se demande ce que c'est, peut-être c'est une armoire qui s'est bloquée. Tu disais aussi, Benoît, qu'il parlait de scènes de crime, et c'est vrai qu'il y a quand même aussi cette narration environnementale, hein, littéralement, qu'on va pouvoir trouver dans le jeu. C'est vrai qu'en rentrant dans les salles, on peut essayer de reconstituer un petit peu ce qui s'est passé. Alors, en général, c'est un nécromorphe qui a bouffé tout le monde, et tout le monde est mort, il y a du sang sur les murs, du crime partout. Ouais, c'est ça, mais ils ont quand même voulu vraiment donner un petit truc. Ça m'a fait penser justement à Prey, qui avait beaucoup bossé sur cet aspect-là, mais qui en avait fait vraiment un élément de jeu. Là, eux, c'était plus dans le sens où quand ils ont réfléchi à chacune des pièces, chacun des lieux qu'on va visiter dans le Ishimura, ils ont réfléchi à chaque pièce dans un ordre chronologique. Ils se sont dit, il y avait tel capitaine, tel lieutenant, tel machin, c'est lui qui s'est transformé en premier, il a tué lui, il s'est retrouvé là, il s'est retrouvé contre le mur, il a essayé de s'enfuir. Et donc en fait, c'est vraiment comme ça. Donc c'est Chuck Beaver qui est l'auteur principal du jeu qui l'expliquait dans diverses interviews. Ils ont vraiment pensé chaque lieu comme des scènes de crime, et nous on arrive du coup à après du coup l'acte, et on pourrait, si on le souhaitait, s'amuser à reconstituer des choses, et c'est ce qui leur a permis en fait tout simplement ce travail d'écriture assez massif, bah, de donner naissance au dessin animé, au livre, etc., parce qu'ils avaient une base, un matériau narratif énorme. Nous, on en touche, tu vois, on gratte vraiment la petite surface du gâteau, tu vois, c'est juste le petit glaçage tout en haut, mais le reste du cake est là, pour reprendre les images de pâtisserie. Si vous voulez vous amuser à le reconstituer, c'est tout à fait possible. Ouais, il y avait un des designers, un des writers qui justement expliquait ça, que bah, pour eux, c'était vraiment bien d'avoir cette espèce de grosse backstory pour pouvoir ensuite bah, matérialiser tout ça dans le jeu, même si nous, on n'en voit qu'une petite partie. En fait, pour les designers, avoir tout cette espèce de bible, finalement, d'écriture, de c'est qui lui, qu'est-ce qu'il a fait, machin, bah, ça permet, eux, de créer cette espèce de théâtralisation qu'il y a dans le jeu. C'est vraiment un outil important pour eux. Donc, ils ont tout ce doc-là. Ouais. Ça me fait beaucoup penser, tu sais, à la création des jeux de rôle. Si vous avez déjà créé une partie de jeu de rôle, vous allez imaginer la backstory de votre PNJ auquel les joueurs vont juste parler en lui achetant, je sais pas, tu vois, ils vont lui revendre un truc pour 3 pièces d'or. Mais vous aurez imaginé jusqu'à, tu vois, un vieux truc qui s'était passé entre le grand-oncle et la grande-mère de ce PNJ-là. C'est un peu ça, en fait, qu'ils font, les créateurs de jeux vidéo, parce qu'ils peuvent pas juste se dire, bon, bah là, il y a un PNJ. Non, il faut qui c'est qu'il a, pourquoi il est là. Tisser la toile. Comment ça se fait qu'il s'est retrouvé là? Pourquoi il était là à ce moment-là dans le Ishimura alors que bah il y avait des gens qui mouraient partout? Pourquoi lui ou elle était encore à cet endroit-là? Et donc ça fait partie des choses qui sont encore une fois assez cachées, dont on n'a pas forcément connaissance, mais du coup là on en voit un peu les traces. Voilà, c'est cette idée. C'est vrai que tu peux être assez surpris quand tu vois à quel point ils se sont penchés sur certains aspects du jeu qui te semblent alors pas anecdotiques, mais en tout cas qui te... Comme on a dit, c'est quand même assez référencé, où tu dis oui, ok, bon, il y a ça, voilà, comme tu dis, tu vas avoir une trace de sang sur un mur, et un mec est mort, tu dis oui, bon, ok, tu dis pas qu'ils se sont fait peut-être tout le trajet du machin, quelle discussion il a eu avant, ou typiquement, t'as des écritures aliens, tu vois, sur un mur, apparemment, ils ont créé un alphabet, tu vois, et toi, tu dis oui, bon, c'est vrai que je me doutais pas qu'ils étaient allés jusque-là, parce que, bon, concrètement, il n'y en avait pas besoin, mais effectivement, une fois que t'as fourni tout ce travail, c'est vrai que tu peux, en tout cas, t'es beaucoup plus flexible, en fait. Ça donne aussi un habillage cohérent, c'est-à-dire que même si nous, c'est ça qui est important, en fait, c'est de dire, bah, même si nous, on perçoit pas toutes les ramifications, le fait qu'on les ait à la surface, ça nous permet d'imaginer qu'elles sont là et qu'on est dans un univers qui est cohérent, qui a toutes ses règles, qui a bah, tout un world building derrière lui. Et ça, c'est vrai que c'est important. Moi, il y a un truc qui m'a trop surpris, c'est un moment bah, avec le pouvoir télékinésie, il y a des transpalettes avec des objets dessus et j'enlevais les objets et j'avais vu qu'il y avait des écriteaux, des trucs écrits sur la transpalette et je me suis dit, ah ouais, en fait, ils sont allés vachement loin dans les détails. Alors, malheureusement, ces détails, j'ai pas l'impression qu'on pouvait en faire grand chose. Parfois, il y a des écrits en anglais, vous savez, dans les toilettes, il y a des trucs, machin. Plus que parfois, je pense. Freeman, you're dead. Ah bon, non, mais non, c'est une référence à Half-Life. J'ai cru qu'il y avait un easter egg, du coup. Non, okay. J'ai pas vu d'easter egg comme ça. Mais voilà, ils ont fait tout ce travail-là. Et au final, alors, bon, moi, c'est vrai que l'histoire, j'ai pas non plus été complètement obnubilé par l'histoire. C'est vrai que c'est un jeu, on verra, c'est un jeu qui est mené assez tambour battant. Il y a quand même un gros rythme, on est quand même beaucoup dans l'action. Donc, je me suis pas trop engagé dans l'histoire. J'avoue que les dialogues, je les écoutais plus ou moins d'une oreille. J'étais plus en train de faire des « à écraser mes caisses pour récupérer pour looter des trucs. Mais on s'est accordé quand même que c'est une histoire qui est conventionnelle, qui est très référencée. On voit où ça va piocher les idées. Mais c'est efficace et ça permet de bien mener cette aventure qui dure une grosse douzaine d'heures. Oui, c'est ça. En fait, simple, c'est pas forcément un défaut. Enfin, vraiment, pour moi, tout le côté scénario, univers, il est simple mais efficace. Voilà, c'est vraiment, on lui demande pas vraiment plus. Voilà, c'est simple, c'est pas un défaut. Oui, parce qu'en plus, ça aurait été très compliqué, vous voyez, d'imaginer s'il devait nous expliquer toutes ces histoires de monolithes, de machins. En fait, avec les mythologies et tout, ça serait devenu lourdingue, en fait. Tu vois, ça aurait été un peu verbeux au bout d'un moment. Au final, on a un monolithe. A priori, les gens pigent la référence monolithe 2001. On comprend qu'il y a un truc qui se passe derrière. Etc. Tu vois, on comprend qu'il y a un truc religieux. Et du coup, le fait qu'eux aient beaucoup travaillé ça, c'est marrant parce que ça fait partie de ces choses un peu ingrates, entre guillemets, du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'eux, ils fournissent un travail énorme. Mais s'ils ne l'avaient pas fourni, nous, on se serait rendu compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais une fois qu'ils l'ont fait, ce travail-là, on l'oublie. C'est-à-dire qu'on le zappe, tu vois. Mais ça fait partie des, des réussites, justement. Ouais, d'un de la jeu. Magie, un peu. Ouais, c'est ça la magie du jeu vidéo, en fait. Il y a énormément de préparation. Nous, derrière, on a l'impression que tout fonctionne bien. Eux, ils ont bossé comme des malades pour faire ce petit passage-là. Et le fait que nous, on se voit pas, que, tu vois, on n'a pas envie d'aller regarder derrière le rideau, c'est bon. Ça veut dire que le jeu vidéo fonctionne. C'est un jeu d'horreur. il faut le dire. Alors, est-ce qu'on a eu peur ici autour de cette table? Parce que c'est vrai qu'il y a une légende comme quoi certaines personnes autour de cette table seraient un petit peu trouillards. Et je dois dire que, bon, moi, j'ai pas trop eu peur personnellement. Déjà, il y a un point sur lequel on s'est accordé, c'est que c'est ce type de jeu d'horreur où, malgré tout, on peut tout tuer. Donc, tu rentres dans une salle, a priori, tu vas pouvoir y poster. Et ça, déjà, pour moi, ça désamorce énormément cette espèce de peur primaire de ne pas pouvoir s'en sortir, d'être poursuivi, d'être faible. Là, je trouve que dans Dead Space, on n'est jamais quand même vraiment trop pris à défaut. Alors, on a fait tous les trois le jeu en normal, on n'a pas eu de grosses difficultés. Non. Et tu crains pas vraiment les monstres parce que tu as toujours moyen quand même de les buter. Éventuellement, parfois, tu vas avoir des moments où tu dois recharger, donc tu dois dire, je vais courir un petit peu. Mais c'est pas un jeu qui fait extrêmement disons peur. Au début du jeu, c'est assez efficace, j'avais trouvé vraiment l'ambiance. Alors, je l'avais fait à l'époque avec un pote que je salue, que du coup on avait quand même, on faisait pas les malins les premières heures, parce que vraiment il y a un truc très oppressant dans le son et tout, mais comme tu l'as dit, rapidement en fait on devient assez puissant, on a des armes pour se défendre, et donc les monstres au bout d'un moment, surtout à partir du moment où on commence à les voir et être familier entre guillemets, tu vois, on les côtoie régulièrement de genre salut ça va, forcément il y a plus le côté surprise, mais les premières heures je les ai trouvées quand même assez efficaces, surtout qu'il y a un côté même assez lumineux je trouve dans le jeu. C'est pas un jeu où on est souvent dans le noir, il y a très peu de passages où on est vraiment genre je vois pas ce qui se passe autour de moi. Il y a quand même beaucoup de grandes salles assez bleutées, c'est une des couleurs qui revient comme ça, cette colorimétrie bleue. Un peu jaune marron aussi. Alors ça c'est ça dépend, t'as la partie indus, et le bleu de l'espace, tu vois, mais du coup on voit quand même souvent nos ennemis assez clairement. C'est pas un jeu où on va pas voir les ennemis, et ça je trouve aussi ça fait que on a pas forcément, il y a un ou deux moments où le jeu il te troll, du coup il éteint les lumières dans le coin, il commence à faire du bruit et tout, et en fait il y a rien, et moi je m'étais dit il y a un moment ça va venir, il y a un moment dans le jeu je serai dans le noir, parce qu'en plus tu fais de la lumière quand tu quand tu vises avec ton arme, je me suis dit ça va au moins arriver à un moment. Finalement non, c'est un truc apparemment qui est plutôt dans Dead Space 2 que moi j'ai pas fait, où là ils mettent un accent beaucoup plus important sur la lumière, t'as même une lampe torche et tout, mais c'est vrai que dans le 1 non, il y a pas, ils poussent pas non plus tous les potards jusqu'au bout. La recette vraiment du jeu, c'est un jeu qui se repose quand même beaucoup sur les jumpscares, on est quand même vraiment là-dessus, des jumpscares qui vont venir de plein de sources différentes. Alors parfois ça va être j'avance tranquillement et derrière une vitre je vois une petite bestiole qui rampe comme ça, donc tu sais qu'elle va te tomber sur le coin incessamment sous peu. Il y a ou pas d'ailleurs, des fois parfois ils attendent un petit peu, c'est pas tout de suite. Il y a aussi vraiment les bruitages, donc des monstres évidemment, qui parfois il y en a qui hurlent, il y a le scrogneugneux vraiment le jeu. Après il y a aussi les musiques de l'Ishimura, cette espèce de mécanique, cette espèce de vaisseau un peu, on dirait qu'il est un peu branlant, qu'il a du mal à voler, qu'il y a plein de parties qui sont un peu cassées, qui sont imagine des câbles d'être dans qui un bateau, tu exactement sais. Totalement, il y a vraiment cette idée d'être dans un vaisseau bateau comme ça qui tangue littéralement comme un bateau, et on entend des petits bruits métalliques, des trucs comme ça. Je sais qu'ils sont allés enregistrer des choses près des métros, des trucs comme ça, pour aller écouter des bruits peut-être un peu stridents, des bruits dérangeants qui vont créer une espèce d'angoisse un peu particulière. Et t'as aussi des bruits, tout simplement, une espèce de, tu sens, ça c'est un bruit que t'entends quand même assez souvent au bout d'un moment dans le jeu, mais une espèce de tuyau en métal qui roule, tu sais, tu sens que ça grouille aussi, parce que tu sais qu'ils passent par les ventilations et tout, donc ils sont censés être autour de toi. De toute façon, puisqu'on en parle, c'est quand même l'occasion de vraiment souligner, le sound design il est vraiment bien, quoi, dans le jeu. Pour moi c'est vraiment une des grosses réussites du jeu, ils ont vraiment fait, alors autant on l'a pas forcément dit avec ces histoires de jumpscare, il y a souvent la musique qui s'énerve d'un coup, t'as un violon qui fait genre c'est ça qui fait peur, parce que ça te ça te saisit d'un coup. Mais par contre le côté ambiance sonore et paysage sonore, tu arrives vraiment à te situer dans l'endroit où tu es, et ça c'est très très cool. Là d'avoir refait le jeu récemment au casque, tu te dis ils ont quand même fait un boulot assez énorme, et du coup encore aujourd'hui, moi je vous invite, si vous l'avez pas fait, ça reste très très cool. Oui, c'est pas que du jumpscare où c'est bon, le monstre il va paraître, t'as des gros instruments dans tes oreilles et qui te font autant peur que le monstre en lui-même, voire plus, et que tu vas buter. Oui, c'est vraiment, c'est quand même un jeu qui veut vendre une ambiance, c'est quand même beaucoup ça qu'ils vont faire. Oui, il y a une forme d'immersion comme ça qui se fait aussi par le son à l'intérieur de l'Ishimura, vraiment d'être dans ce boîtier métallique comme ça, on ressent qu'on est dedans grâce à ce travail sur le sound design. C'est vrai qu'il est très réussi. C'est aussi beaucoup de gore. C'est un jeu qui repose vraiment là-dessus. Je trouve ça m'a fait. C'est marrant parce qu'on parlait de Bioshock. Bioshock, quand j'y avais joué là pour l'émission, il y avait ce moment où il y avait cette espèce de perforeuse dans le beat d'un truc. Et c'est vraiment le scrogneugneux encore. Et là, Dead Space, c'est vraiment quand même pas mal la foire à la saucisse. Ouais, c'est plus loin. Déjà, t'as tous les cadavres de mecs normaux. Si tu fais le comme ça avec ton pied, alors c'est parti, éclodé, et que la main elle part, et que la jambe elle flotte, et compagnie. Donc c'est quand même beaucoup un jeu de boucher. En plus, c'est une mécanique de découpe. Donc on est vraiment, boucherie, charcuterie, bienvenue, on fait du pâté, on fait du saucisson, et c'est ça. C'est de l'esthétique hyper cracra aussi, tu vois, c'est beaucoup de trucs écorchés, l'inspiration c'était quand même des accidentés, tu vois, donc il y a beaucoup de, comme tu as dit, de démembrement ou de corps un peu tordus. L'inspiration là, c'est des The Thing, comme on l'a déjà dit, Resident Evil aussi, tu vois, des trucs dégueulasses, je sais pas, des corps qui vont, des membres qui vont se mettre à pousser, des os qui vont se mettre à craquer, tu vois, des trucs qui, voilà, qui... Puis quand ça pousse, forcément, tu vas avoir une espèce de liquide jaunâtre dégueulasse qui se met à couler, voilà, parce que sinon c'est pas drôle, enfin, tu vois, voilà. Il y a des scènes aussi où tu croises des humains qui font des trucs, comme tu disais, tu sais, à travers les vitres, là, moi je me souviens de cette scène avec la nana qui est en train de découper un type encore en vie, un peu crado, comme ça, ensuite elle se s'ouvre la gorge, ou je sais pas quoi, oui, il y a plein de moments où tu dis, ah oui, d'accord. Où t'as un... Alors, je trouvais ça inquiétant, à un moment, t'entends une espèce de boum, boum, boum, assez tôt dans le jeu. Alors moi, je pensais à un gros monstre qui marche, je pensais que c'était ça, ça me fait du coup plus flipper qu'en fait la réalité où c'est un mec qui se cogne la tête, tu vois, contre le mur et qui s'écroule quand tu passes à côté. Il se brise le crâne quand t'arrives, le bruit de la coquille d'œuf, là, j'aime pas ça, moi. Là aussi, sur le sound design, ils ont bien fait le trip des noix et des spaghettis qu'on écrase ensemble pour faire le... comme ça, important. Mais c'est intéressant de se dire, enfin, pour revenir un petit peu à ce qu'on avait dit, c'était que ça m'a fait moins peur quand je me suis dit, ah, c'est bon, c'est qu'un mec, c'est pas un gros monstre, tu vois, parce que je me suis pas senti vulnérable, tu vois, comme on l'a dit, c'est pas un jeu où t'es vulnérable, en plus, bon, il y a beaucoup de sauvegardes, beaucoup de checkpoints. C'est vrai. Et puis ce gore aussi qui va vraiment être mis sur Isaac, hein, parce que là ils se sont fait plaisir sur les scènes de mort. Alors moi on n'a pas vu beaucoup dans le jeu puisque on n'est pas trop mort, mais par contre tous les monstres ont une manière dégueulasse de vous buter, et souvent la mort elle va même durer quelques secondes, c'est assez long, c'est pas genre bim je suis mort, game over. Non, le jeu va bien prendre le temps de te montrer Isaac qui se fait couper en deux, arracher la tête, découper, arracher machin, enfin bref, ils lui ont fait plein de... Je sais qu'il montre un moment son carnet, tu sais, il y a une espèce d'anatomie d'Isaac où il y a plein de points de toutes les parties d'Isaac qui peuvent être découpées complètement, donc ils ont fait un énorme travail là-dessus. Il y avait cette envie de rendre un peu les... Ouais, c'est vraiment du gore fest, faut que ça soit rigolo, c'est divertissant de te voir mourir. Et moi, j'en ai une qui m'a vraiment fait rire quand je l'ai vue sur internet, parce que je suis allé voir un petit peu ce qu'ils avaient fait. Et il y en a une, il y a des espèces de bestioles du coup qui ont des têtes comme ça avec des tentacules, et donc elles bouffent Isaac, et donc Isaac n'a plus sa tête, et en fait, c'est cette tête qui se met à la place d'Isaac, et on voit son bras qui la remet en place. En bref, ils sont allés dans une espèce de créativité assez morbide. On imagine qu'ils ont dû passer des moments un peu particuliers à faire ce genre de truc, mais ils sont allés très très loin dans ce truc du gore. Et encore une fois, ça, on était d'accord pour dire que c'est un peu anesthésiant, c'est-à-dire que tu vois une fois, deux fois, moi ça me fait vraiment mais littéralement rien en fait de voir ça dans le jeu vidéo. En fait c'est marrant parce que si tu me montres ça un truc en vrai, genre je sais pas, tu as des images médicales, je suis en mode non merci, je ne veux pas voir ça. Mais par contre dès que c'est de la fiction, en fait je m'en fous parce que je sais que tout est faux quoi. Bon après t'as des films plus convaincants que d'autres, tu vois, je sais pas, des Cronenberg par exemple, c'était beaucoup en général, un truc tu ressens quand même la douleur, il y a un truc avec le body horror qui est quand même assez... Mais là, non, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est dans une logique de, comme on est dans de la répétition et qu'en plus, il y a ce côté gain de puissance du personnage où, au bout d'un moment, on devient le monstre. Tu sais, c'est un peu comme dans Doom. Les ennemis ont peur de nous plutôt que nous deux. On n'a pas déjà cette notion-là du survival horror. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans de la survie. On va retrouver les codes du survival, on va le redire, parce que on n'a pas des munitions illimitées, on doit gérer son inventaire et tout. Mais le simple fait qu'on soit rapidement plus fort que les ennemis et qu'on puisse s'en débarrasser de 10, 15, 20, parce qu'en plus, des fois, ils nous en envoient beaucoup dans la tronche, y a pas mal de monde, ça permet de limiter au maximum la peur. Par contre, l'ambiance, elle, du début à la fin, je trouve qu'elle reste oppressante. Tu vois, par exemple, il y a un truc tout bête, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un vient de parler, genre, au lieu de t'envoyer un petit SMS du genre bravo Isaac, tu as réparé la clim. Non, Kendra va parler. Genre... Ouais, c'est ça, c'est des gros bruits. Isaac, qu'est-ce que tu fais ? Isaac, la climatisation. Ils se mettent à hurler chaud. Et tout. On est en été, putain, j'en ai marre. Non, mais ça fait peur, tu sais, c'est même ça, c'est un jumpscare. Et t'es là, mais ça m'oppresse parce que d'un coup, tu t'y attends pas. Toi, t'es en train de te balader, et d'un coup, quelqu'un te gueule dans les oreilles. C'est limite ça qui marche plus que les monstres, en fait. Oui, le jeu, il est assez crispant parce que c'est pas que de l'ambiance, c'est pas que de l'esthétique et tout. Ils ont quand même réfléchi, ça reste un jeu vidéo. Hein, et donc, comme tu l'as dit, si on part vraiment de la base, ce qui frappe quand même assez rapidement dans Dead Space, c'est la caméra qui est quand même assez proche. On est dans une caméra à l'épaule, Resident Evil 4 encore en grosse référence. On n'est pas très mobile, même si on peut se déplacer en tirant par rapport à la référence. Ils voulaient pas faire ce qu'avait fait RE, le côté pivot pour pouvoir tirer. Non, on peut se déplacer. Ouais. On est plus mobile, mais moi je m'attendais, parce que je l'avais pas fait, et je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de scènes où vraiment tu tires de loin, t'es assez pépère si tu vises bien. Et non, vraiment, on va te sauter dessus. Il y a des monstres qui vont te courir dessus. Si tu gères pas bien, ils vont t'atteindre. Ils ont une petite recette à base de, ils te montrent un monstre devant, et en fait, derrière, t'en as un autre qui s'approche silencieusement, où ils vont venir, on l'a dit, ils sont dans les ventilations, ils sortent. Et en plus de ça, c'est pas aléatoire, c'est dynamique, c'est en fonction de où est Isaac. Donc ça peut sortir du ventilateur A et B en fonction fonction de ton positionnement. Donc voilà, tu vas te faire aggro quand même dans le jeu, on va te sauter dessus. Il y a même des moments où ils t'enferment, hein. Il y a une scène d'ascenseur où t'en as plusieurs qui tournent dessus. Il y a un moment où vous êtes. C'est la quarantaine, vous êtes contaminé. Et là, tu sais, donc tu commences à tourner autour. Il y a évidemment un petit bureau au milieu de la place pour faire un petit parfait circuit pour que les ennemis te courent autour. Donc là, tu les vois venir à 400 km, tu fais ok, c'est parti, trancheur, on est parti, les gars. Donc oui, il y a quand même plein de fois où les monstres sont proches. Et puis de plus en plus, il y en a qui vont courir vite, il y en a qui vont se déplacer sur tous les plans parce que on l'a pas trop mentionné, mais c'est vrai qu'il y a les sections aussi en zéro gravité où les ennemis peuvent venir de partout. Il y a les espèces de monstres là qui ont une espèce de longue queue et deux bras. Ceux-là, on les voit beaucoup dans le. Benoît a fait des gestes, mais vous pouvez l'imaginer. Il y a les bébés aussi avec leurs petites trois trucs qui sortent là. Alors eux, ils aiment bien de sortir à l'horizontale. En diagonale. Ils font un petit saut et tu les vois passer. Ils se posent, tu fais ok, bah. Et eux, ils peuvent se mettre sur les murs, vraiment sur les côtés. Donc c'est pas juste devant, derrière, ça peut être en haut, sur les côtés. Donc il y a ça où tu. Faut vraiment chercher autour de toi. Il y a des moments. Bon, ça fait partie des trucs où le jeu est gentil aussi, c'est qu'il y a une musique qui s'emballe dès qu'il y a un monstre. Mais c'est vrai que parfois, t'as la musique et tu sais pas où ils sont, c'est pas regarder tout autour de toi. Tu comprends pas sur le coup. Donc c'est vrai qu'on se retrouve souvent encerclé et toutes les arènes sont quand même pas si mal faites, je trouve. Pas mal de niveaux pour nous prendre un petit peu à revers, pour nous surprendre par le côté. Souvent vraiment on n'arrive pas, comme tu dis, c'est un jeu à couloirs, mais en fait tous les couloirs sont des petits labyrinthes quand même, donc il y a des murs, il y a des angles et on peut contourner. C'est pas genre comme tu dis un couloir devant toi, tu tires sur les ennemis et t'avances, merci, au revoir. Et beaucoup d'angles nets, tu as beaucoup d'angles droits en fait, parce que tu vas pas savoir ce qu'il y a dans le coin. C'est pas des angles vraiment, c'est pas des courbes, parce que des courbes en général c'est beaucoup plus rassurant, c'est beaucoup plus safe parce que tu vas voir loin ce qu'il y a. Là l'angle droit, tu dis non, je sais pas ce qu'il y a derrière, et le jeu forcément il joue beaucoup avec ça. Il va te mettre une ombre qui est passée ou un script d'un ennemi qui court, t'as entendu un bruit, tu dis il peut être vraiment juste là à un mètre et je le vois pas, quoi. On peut d'ailleurs noter qu'ils ont créé pas mal d'outils pour générer des sons de manière relativement aléatoire, ce qu'ils appelaient les fear emitters, là c'était le nom de leur petit logiciel, où en fait le jeu de temps en temps va spontanément balancer des sons justement pour faire peur aux gens, ce qui fait que si on prenait nos trois parties, tu vois, tous les trois, il y a des chances qu'on ait entendu la même chose, mais peut-être pas forcément au même moment. Et comme tu le disais, le jeu s'adapte bien, c'est-à-dire que des fois les ennemis vont sortir à gauche plutôt qu'à droite, en haut plutôt qu'en bas, etc. Donc il y a quand même une volonté de donner un petit peu d'imprévisibilité pour renforcer ce sentiment d'être oppressant plus que vraiment effrayant. Et ce qui était intéressant aussi sur le sound design, Glenn Schofield disait que très tôt, il le prenait en compte, dans le sens où très souvent dans une production de jeux vidéo, le sound design, ça venait un peu à la fin, et du coup, parfois, il n'y a pas le budget, ou alors, il n'y a pas assez de mémoire allouée à ça, donc il faut vraiment économiser vraiment le nombre ou la qualité des sons, etc. Là, dès le début, ils se sont dit, non, le son, ça va être capital, donc on va vraiment garder ça en tête quand on design le jeu. On va revenir un petit peu sur cette histoire de strategic disembowelment, parce que c'est vraiment au cœur aussi du dispositif ludique de Dead Space. Il y avait déjà la présence de ce moteur, Max, qui est un fan d'Half-Life 2, a noté qu'il y avait un moteur physique qui était assez convaincant. On n'est que 4 ans après Half-Life 2. C'était le moteur source, c'était quand même le truc. Le jeu se vendait beaucoup sur le moteur physique. Pour préciser, pour prendre une autre référence dont on avait parlé, un truc tout bête, mais Half-Life 1, qui sort en 98, il y a des caisses, on ne peut pas les soulever, on peut juste les faire glisser sur le sol. Donc dans les jeux 3D, on en est encore quand même, on part de loin, quoi, mine de rien. Et oui, Half-Life 2 va se vendre avec le fait que tu peux soulever des objets, il y a une gravité, tu as des puzzles à base de gravité, tu as un gravity gun qui va tirer des objets à toi, les objets tombent, ils rebondissent, ils glissent. Donc voilà. Et ça, c'est en 2004, je crois. Ouais, 2004. Ouais. Et puis, y a la scène de Ravenholm là, dans Half-Life 2 avec la fameuse, tu récupères les scies et tu les lances sur les zombies et tu peux les couper comme ça. Et ça, on l'aura dans Dead Space 2, pas dans le 1, mais dans le 1, par contre, tu peux ramasser des objets et les jeter pour les faire exploser, par exemple. Et puis, tu as cette espèce de canon justement qui fait virevolter une scie devant comme ça, que tu peux. Tu peux tu fais du coloriage. J'ai donné un coup dans mon micro, désolé. C'est l'enthousiasme. Et c'est vrai que ça marche vachement bien. C'est-à-dire que comme c'est arrivé très tôt dans le design, direct, il y a ce plasma cutter qui est un peu l'arme signature, on va dire, du jeu, avec cette gâchette que tu vas pouvoir activer pour passer de vertical, horizontal, vertical, en fonction justement de la position des ennemis, les fameux bébés là, s'ils sont à terre, tu vas utiliser horizontal, s'ils se mettent sur les murs, il va falloir passer en vertical. Et pareil pour les membres des nécromorphes là, leur espèce de faux, si tu vas choisir, est-ce que tu vises le biceps, l'avant-bras, ça dépend, il faut se faire plaisir, les jambes, et on va pouvoir switcher comme ça. Et tous les ennemis une bonne partie des ennemis ont ce design vraiment fait pour être découpé. Je pense aussi aux espèces de gardiens de porte là, qui vont faire pousser des ah oui, ceux où il y a juste le torse là. Voilà, ouais. C'est ça, ils font un bruit, ils vont comme ça à balancer des petites pustules qu'il est fort en bruit. Oui, mais moi le sound design fantastique. Et donc va falloir découper tous leurs bras un par un pour le faire. Et ça, je trouve que ça marche vraiment bien tout du long. Ce qui est cool aussi, c'est que c'est un engagement... je trouve que ça nous met dans cette espèce d'état d'esprit de garder son sang-froid. Ouais. C'est-à-dire vraiment, tu vois les ennemis qui t'arrivent dessus et il faut bien genre, ok, je suis l'ingénieur, je découpe, je prends mon temps, je regarde bien, même si l'ennemi est en train de courir dessus, je prends mon temps pour bien, bam, taper dans la jambe, taper dans le bras. Et ouais, je trouve que c'est un jeu qui t'appelle à respirer, de faire, ok, je suis méthodique, j'oublie l'horreur et maintenant je découpe. Mais très tôt dans le jeu, tu te rends compte que si tu tires vraiment dans le corps, ça marche vraiment moins bien si tu cèdes à la panique et que t'es juste bam. En fait, tu vas claquer beaucoup de munitions, alors que vraiment ceux qui ont les petits bras au niveau des clavicules, en fait tu tues les deux, c'est bon, en deux balles tu peux les buter, alors que sinon ça en prendrait, je sais pas, 4, 5, 6 peut-être. Ouais, j'ai jamais vraiment même essayé en fait de buter un monstre jusque dans le beat, tu vois, en tirant comme ça à l'ancienne. Alors ils ont subverti un peu le code de la tête, parce que quand tu découpes la tête, en fait ça va énerver les ennemis, ils vont commencer à gigoter dans tous les sens et à te courir dessus puisqu'ils te voient plus, et du coup c'est pas forcément très très efficace. Il y a aussi ceux dont on parlait là, ceux qui volent avec la grande queue. Je sais que parfois, tu sais, je lui coupais la tête, je me dis il est mort, il fait non, il continue à te courir dessus. Donc ouais, je trouve que ça marche vachement bien et c'est entertaining. Je trouve que c'est engageant parce que t'as toujours besoin de réfléchir un minimum pour le faire, c'est pas juste la tête. Tu vois, c'est vraiment une mécanique de jeu vidéo qui se permet de renouveler l'expérience tout au long du jeu. Parce que comme ils changent les règles, ils te rajoutent des nouveaux monstres, ils sont plus résistants, plus rapides, ceci, cela, ils sont verticales, horizontales, etc. T'as vraiment une idée de... Tu vois, limite de... Enfin, tu vois, le côté stratégie, j'aime bien, mais limite, c'est du tir puzzle, quoi. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir à l'ennemi te court dessus, je vais lui péter les jambes. Et en plus, il y a ce côté assez bêtement jouissif, tu vois, du jeu vidéo, où tu vois la jambe qui vole. Ouais. Alors en plus, si c'est en 0G, tu vois la jambe qui se met à glisser comme ça, l'autre qui essaye de marcher à cloche-pied et qui continue à te courir dessus avec ses espèces de griffes. Donc t'as quelque chose d'assez. C'est à la fois crispant et à la fois c'est très fun parce qu'il y a vraiment quelque chose de très satisfaisant. Là, dans la dernière partie, quand je l'ai refait en live, j'ai fait intégralement le jeu avec le plasma cutter et ça marche super bien. C'est super drôle de faire le jeu qu'avec ça en fait. Oui, parce que finalement, toutes les armes sont. Alors pas vraiment toutes dans toute situation. Typiquement, le lance-flamme, non, le buzz, vous pourrez pas faire. Il y a des trucs où les bébés. Ça va être compliqué aussi. Oui, lance-flamme, c'est pas privilégié pour les bébés. Je le jartais le lance-flamme ou moi, je m'en suis pas trop servi non plus, effectivement. Mais y a beaucoup d'armes qui sont chacune viables quand même dans beaucoup de situations. En tout cas, moi, j'avais à la fin, donc j'avais mes 4 armes et je me servais de 2 énormément et de 2 autres en fonction de certaines situations. Donc ça, c'est, on est aussi encore dans le puzzle, un peu dans le côté sang-froid où je me dis attends, là il faut que je prenne cette arme, elle est mieux adaptée pour cette situation là et le jeu est gentil aussi, il a une philosophie où il te dit prends ce que tu veux, le loadout que tu veux, et moi je vais te filer les munitions, vraiment que des armes que tu as. Ça m'est arrivé quelques fois, mais quasiment jamais, d'avoir des munitions d'une arme que je n'ai pas. C'est au tout début, je pense, pour te teaser un peu de la nouvelle arme. Genre, t'as détruit le trancheur, tu dis ah bah je vais pouvoir acheter le trancheur, mais je pense, effectivement, ils te donnent vraiment tout le temps les armes si que tu dis, as. Ouais, c'est ça, c'est en gros, ils te donnent des munitions. Comme j'utilisais que le plasma cutter, je trouvais quelques munitions de trucs, mais très peu. En réalité, je trouvais surtout des munitions plasma cutter. Non, mais le jeu, s'équilibre par rapport à ça. Il aurait pu faire autre chose, il aurait pu justement te dire non, là je te donne que des munitions de machin pour te pousser en fait à acheter ton arme, pour te sortir un peu de ta zone de confort, puisque comme on l'a dit, si tu joues juste avec 2 armes, c'est bon, le jeu il te donnera que des trucs avec tes 2 armes, donc t'es vraiment dans ta zone de confort. Ça, c'est une philosophie de game design, ils ont décidé de dire ils vont jouer comme ils le veulent. Je pense qu'ils voulaient éviter, tu vois, de rajouter trop de couches. On est quand même dans un jeu AAA. Je me suis dit, si en plus de devoir découper les membres des ennemis, il fallait adapter son arme en fonction de l'ennemi. Je pense qu'ils ont dû tester ça en interne et ils ont dû se dire que c'était peut-être un poil complexe pour du jeu AAA qui se veut quand même assez large en termes de public. C'est possible. Et de toute façon, là où ils achèvent vraiment ce truc, c'est que tu investis du coup des nodes. Je sais pas comment on traduit. C'est des points de pouvoir. D'accord, je crois que c'est ça. Tu investis donc des points de pouvoir qui coûtent assez cher ou qui sont relativement rares. Et une fois que tu en as investi beaucoup dans une arme, de toute façon, tu n'as pas envie de la lâcher. Alors tu peux la revendre plus cher. Je suis pas sûr. Je pense pas. Je suis quasiment sûr qu'elle ne vaut pas quand tu la revends autant que tous les points de pouvoir que tu investis dedans. Non. Parce qu'un point de pouvoir vaut 10 000. Ouais, mes armes, elles ont. Après, si tu rachètes l'arme, elle sera améliorée comme les autres. En fait, c'est pas. Si tu revends par exemple ton plasma cutter à fond, si tu en rachètes un, il sera amélioré. Tu perdras pas tes points de pouvoir. Ce que je veux dire, c'est que si je veux acheter une autre arme, ça va me coûter beaucoup plus cher d'acheter une autre arme et d'avoir autant de points de pouvoir dessus. Tu vois ce que je veux dire? Donc la qualité de ce que tu vas acheter à côté, elle est moindre. En fait, le fait d'avoir investi beaucoup de points de pouvoir dans les armes que tu as te démotive, enfin du coup t'empêche d'acheter de nouvelles armes. Je suis d'accord que c'est mieux en privilégier 2-3, surtout c'est un jeu qui est designé pour faire un new game plus, hein, si tu veux tout remplir, hein, tu peux pas faire sur une seule run, même si tu peux aller assez loin, mais tu peux pas tout monter à fond. Donc tu vas quand même devoir faire des choix. Ça tient au fait que l'inventaire est limité, en fait, c'est à dire que si on avait des places illimitées dans l'inventaire, on pourrait se permettre techniquement de vraiment monter toutes les armes, parce qu'en fait on serait pas gêné par la place des armes en elles-mêmes et la place des munitions surtout. Le fait qu'il y ait un inventaire restreint, on est obligé de faire des choix. Mais disons que ce n'est pas des choix que le jeu t'impose vraiment, mais tu vas devoir quand même choisir ton loadout, les armes que tu préfères. Et d'ailleurs, on n'a pas utilisé toutes les mêmes, parce que moi, je me servais beaucoup du stas pour pouvoir... Rien que la stas. La stas, toi, tu t'en es pas du tout, quasiment pas servi. Juste, on reviendra peut-être à des moments où il y a des choses qu'on n'avait pas comprises du jeu. Bah, on peut le lire là. Hein. Ouais, en tout cas, pour la stas, le tuto, ils t'apprennent ça sur une porte, sur un truc mécanique. Moi, je n'avais pas compris. Enfin, je me suis même pas dit que ça marchait sur les choses organiques. Tu vois, moi j'ai ma façon de penser, je serais RPG ou Starcraft ou quoi, ou Magic, j'en sais rien, tu vois, mais non, c'est pas les mêmes catégories, tu vois, dans ma tête. Donc si moi on m'a pas appris que ça marchait sur un truc organique, moi je pars du principe que ça marche pas. Ouais, du coup, c'est vrai que moi je pense peut-être, tu sais, j'ai mis sur la porte et tu sais, il y a un ennemi qui sort et je pense que peut-être il a été freeze en même temps ou je me suis dit je tente ou un truc comme ça. Et c'est vrai que c'est très pratique et moi je faisais tout le temps la stase et je coupais et merci, au revoir, tu vois. Et d'ailleurs, l'arme que toi tu utilisais beaucoup là, qui était le Charge Force, je crois, c'est un truc comme ça qui fait un blast, une espèce de grosse vague de force et qui fout les ennemis à terre. Moi je l'ai pas trouvé, je suis passé à côté cette arme. Alors il faut dire que pendant qu'on est dans les trucs que j'ai pas compris, c'est qu'au début moi j'avais pas compris qu'on pouvait ouvrir les armoires. Et oui, je n'avais pas compris ça. Donc je pense que le jeu a pas de tuto genre ouvre l'armoire, tu vois, c'est genre c'est bleu donc ça peut s'ouvrir, tu vois. Et du coup pendant une heure et demie, tu sais, j'étais en munitions, j'étais putain, c'est, il y a pas grand chose, hein, il y a pas beaucoup. Et en fait non, après j'ai compris, je peux ouvrir. D'accord. Ou alors j'ai peut-être ouvert sans faire exprès. Je me souviens que je m'en suis rendu compte tôt, mais que c'était une petite réalisation quand même. Ça en fait ça s'ouvre. Mais quelqu'un l'avait noté dans le Discord et effectivement j'ai vérifié dans Dead Space 2, c'est un des premiers trucs qu'on t'apprend. Tu vois, t'as une trousse de soins. C'est marrant de jouer à des jeux comme ça parce qu'aujourd'hui il y a vraiment ce qu'on appelle des prompts pour tout, absolument tout. Et le jeu dans le tuto va te faire faire les choses. C'est-à-dire que dans un jeu moderne, si j'ouvre pas une armoire au début du jeu, le jeu dit non, ouvre l'armoire et après on passe à la suite. Là, le jeu ne le fait pas et considère que tu vas comprendre ce code de toi-même. Ils vont même se prendre la tête à donner une justification de pourquoi tu dois passer sous la branche, il faut passer entre les deux murs. Le passage sous la branche, alors ça vraiment c'est obligatoire. La base, vraiment, tous les jeux vidéo, il y a un moment on passe sous la branche, puis au-dessus de la branche pour sauter. Mais là, en fait, ce qu'on s'était dit tous les trois, c'est que finalement, c'est pas forcément une question d'âge, c'est plus que ça fait partie des choses dans lesquelles le jeu, finalement, il est un peu juste. C'est-à-dire que tous les trois, alors qu'on a quand même pas mal d'expérience en jeux vidéo chacun de notre côté, on s'est rendu compte qu'il y a des éléments auxquels on est passé complètement à côté de certains trucs. Moi la stase, c'est ça, je l'ai pas trop utilisé au final, de temps en temps, mais en fait je pensais pas l'utiliser si souvent, et au final je me débrouillais quasiment tout le temps pour utiliser que le machin horizontal parce que ça me saoulait de changer, et en fait je me suis toujours débrouillé pour le faire comme ça et ça passe. Ça marche. Il y a un autre truc que j'avais pas compris, c'était la télékinésie. Alors ça c'est peut-être dit par le jeu, mais je l'ai très peu utilisé, mais une fois que tu saisis un objet devant toi, en fait le gun peut faire un petit blast aussi, vraiment l'envoyer loin, alors que moi j'avais pas compris ça. Et typiquement tu dois le faire à certains moments où t'es censé envoyer des balles, typiquement t'as le moment où tu dois envoyer des balles vertes, des boules loin, et moi en fait je l'ai laissé flotter devant moi et ensuite je tirais dedans, parce que comme t'es en zéro gravité, tu me donnes une petite impulsion, ça part, mais du coup je claquais des munitions pour et les trucs explosifs par exemple, je savais pas que je pouvais les jeter sur les adversaires. Oui, c'est pareil, alors pourtant tu vois c'est pas des red barrels, donc peut-être je les avais pas vus, mais tu sais, t'as des pas fait gaffe, alors que pourtant il y a ces petits machins qui courent au sol là, qui grouillent, moi ils m'ont tué deux ou trois fois, et c'est quelqu'un sur le chat qui m'a dit mais en fait tu peux les prendre, les jeter dessus et ça explose, et tu es là les petites réalisations comme très souvent j'ai remarqué effectivement qu'elles vont passer à côté d'une bonbonne rouge, elles sont sympas, mais en vrai tu prends la scie circulaire qui flotte devant toi, c'est bon, tu passes le coloriage. Et parfois c'est une question aussi d'input, c'est à dire que moi pour la télékinésie, le truc de déplacer, je restais appuyé sur la gâchette, alors que t'as pas besoin en fait. C'est tu passes oui, comme vrai. Ça et après quoi que non s'il faut. Je crois pas que t'as besoin. Voilà, ça, non, de mémoire, la mémoire musculaire, je restais pas appuyé moi de mémoire. D'accord. T'appuies sur B. Parce que moi justement, je restais appuyé. Après, je relâchais et du comment après ça partait. Alors je sais pas si c'est peut-être en restant. Tu restes appuyé sur viser. Mais pas sur le bouton oui, voilà, qui active la télékinésie. Voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, pour moi, il y a eu une espèce de bug dans ma tête. J'avais pas compris non plus quand tu sais, en rappuyant justement, bam, il allait blaster pour faire le truc. Et je pense d'ailleurs que j'ai confondu à cause de. Bah, c'est dans Breath of the Wild avec le Cinetis ou un truc comme ça. Justement, là, il faut rester appuyé et tu le déplaces comme ça, je crois. Donc, tu vois, bon, parfois, de toute façon, des codes de jeux vidéo. La morale de l'histoire, c'est la faute de Nintendo. Non, mais c'est marrant parce qu'il y a plein de petits trucs sur lesquels on a un peu comme ça été un peu débiles tous les trois. Il y a des choses dont on est passé à côté. Et on a quand même réussi à aller au bout du jeu. Je trouve que ça montre bien en fait cette philosophie de dire en fait c'est quand même relativement viable et te dire le truc bah je découpe un monstre qui a son bras explosif, je récupère son bras explosif et je le lance sur les autres trucs. Il y a un côté un peu immersif sim je trouve dans la philosophie, mais en fait le jeu t'as vraiment pas besoin de ça pour réussir, il t'éduque pas entre guillemets à faire ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un prêt où à un moment donné t'as le machin qui fait de la mousse et tu peux directement te faire des plateformes. Donc il y a pas cette idée là. Mais par contre, le fait que ça soit là, bah, ça montre quand même leur envie aussi de faire un système choc au départ. Ouais. Et ça montre que bah, en fait, le jeu a quand même une petite couche supplémentaire pour les personnes qui veulent se donner un petit challenge. À mon avis, quand tu joues en difficulté max, que tu as moins de munitions, j'imagine, moins de vie et tout, le décor, tu dois pas mal l'utiliser. Oui, il y a le mode impossible, hein, c'est-à-dire qu'il y a mode difficile et après que tu débloques le mode impossible. Ouais. Là, je crois que si tu veux, là, je pense qu'à mon avis, il faut jouer un petit peu mieux que nous pour y arriver. Mais en tout cas, oui, voilà, la mécanique de démembrement, c'était vraiment le truc. Et pour terminer là-dessus, nous, ce qu'on s'était dit, c'était que finalement le jeu l'exploite très bien avec les ennemis et tout, et en fait c'est les boss qui l'exploitent presque pas. Ouais, c'est vrai. Il y a deux gros boss. Alors si on compte le Nemesis entre guillemets, ça fait trois qui lui l'exploitent un petit peu, le démembrement finalement, mais les deux gros boss qu'il y a, donc l'espèce de saloperie qui bloque le garde-manger, le garde-manger et le boss de fin qui ressemble un petit peu, qui reprend un peu quelques patterns avec ça, bah finalement c'est juste du faut viser les boules jaunes, tu vois. C'est vraiment juste viser tirer, c'est le démembrement, hein, mais il faut tirer sur les trucs qui brillent mais il y a pas de démembrement, on va pas découper des choses pour ça aurait même, et pourtant ça aurait pu être un truc tout simple, tu sais, il y a une espèce de carapace où t'as des nerfs, tu sais, qui la retiennent, tu tires dans les nerfs, ça fait tomber ça et hop là t'as une bouboule jaune que t'exposes. Non, là c'est juste vraiment bouboule jaune, quoi. Donc c'est bouboule jaune tout de suite. C'est bouboule, c'est ça. C'est vrai. Et puis en plus, bah, c'est des boss un peu. C'est pas du QTE, mais pas loin quand même sur certains aspects. Il y en a. Puis il y a les phases de tentacules d'ailleurs, hein, cette fameuse tentacule qui te chope comme ça, qui fonctionne aussi sur la bouboule jaune, il me semble. Et donc là, on revenait un peu en fait sur vraiment les éléments qui distinguent, en fait, qui donnent l'identité à Dead Space. Puis il y a l'autre élément dont on peut parler, qui est vraiment un des trucs qui fait qu'aujourd'hui Dead Space est toujours cité régulièrement, c'est son utilisation de l'interface utilisateur en mettant tout avec des éléments donc intradiégétiques. C'est la fameuse barre de vie à la place de la colonne vertébrale, la petite jauge de stase, les petits hologrammes qui sont à l'intérieur du jeu, le menu qui est projeté en fait par son espèce de petit truc qu'il a sur le torse, son iPad, qu'il a sur le torse. Il là. Bouge la tête quand tu navigues dans l'inventaire, sa tête regarde où tu sélectionnes ça, c'est cool, ça. C'est le petit détail. T'as la même chose dans Ratchet & Clank là qui vient de sortir, ça m'a fait rigoler parce que ça m'a fait penser directement, je me dis putain, mais c'est la même chose, on est 10 ans plus tard et c'est toujours pareil. T'as le fil d'Ariane aussi qui apparaît. Oui, alors ça c'est top. Hein. Enfin, moi j'avais trouvé ça super, cette idée-là du ah oui, ça me dit où aller. Tu vois, c'est assez rigolo de se dire que d'un côté je vais pouvoir vanter les mérites des jeux où on est perdu, où on fait des roulades et tout ça, vous voyez de quoi je parle. Et là d'un coup t'as un bouton où t'appuies, il te dit va là. Et c'est trop bien. Ça ils appellent ça le locator et qui est arrivé très très tard dans le développement. Hein. Ils l'ont foutu dedans le dernier mois en fait avec les playtests. Bah, peut-être ils juste préciser ce que c'est avant. Oui, donc c'était ce fil d'Ariane, hein, c'est ça. Stick donc, droit, on appuie sur le stick droit et en fait il y a une ligne qui va se dessiner au sol et qui nous dit où il faut aller pour la suite. Tout simplement, et du coup ils l'ont vraiment intégré très très tard parce que malgré tout, hein, tout l'Ishimura, il y a toute une signalétique, hein, le nom des salles est affiché au-dessus, chaque zone a sa petite à son petit logo qui est dessiné, donc il y a pas mal de choses qui ont été faites quand même pour pouvoir naviguer à l'intérieur de l'Ishimura, surtout que la structure du jeu est pas très compliquée, il y a une carte aussi qu'on peut utiliser. Alors, moi je l'ai pas du tout utilisée. Elle est pas top en vrai, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ils ont ajouté le fil d'Ariane au dernier moment. C'est ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui galéraient à la fois pour naviguer correctement, utiliser la carte, et ils ont fait allez on met ça, et c'est vrai que c'est un truc en fait vraiment les gens ont beaucoup aimé, hein, eux, ça a été une surprise de se dire que ce truc là qu'ils ont implémenté dans le jeu, c'est devenu presque une des petites marques du jeu, et après les gens appréciaient, et c'est vrai que c'est vachement c'est pratique parce que quand t'es en train de flipper et que machin, t'as au moins ce truc rassurant de se dire c'est par là. Exactement. Ou à l'inverse, si tu veux explorer un peu plus et que voilà, tu sais qu'il faut aller à droite et qu'à gauche t'as un chemin, tu dis bah tiens je vais checker à gauche. Et à titre de comparaison, on a dit BioShock est sorti un an avant, lui il avait une flèche jaune dégueulasse, tu vois, qui t'est rajoutée en mode Crazy Taxi, je sais plus trop quoi. BioShock nu. Mais, et BioShock qui, lui, bon, c'était un peu plus poussé en termes de level design, il y avait plus de choix, plus d'espace. Ouais, c'était plus compliqué quand même. C'était quand même. Enfin, non, mais disons que ça choquait encore plus, en fait, la flèche jaune, puisque, bah, je sais pas si ça choquait plus, mais ce que je veux dire, c'était que la navigation était sûrement plus plaisante dans BioShock de se retrouver, de se repérer. Et là, t'as une grosse flèche jaune qui te monte. Enfin, elle a été assez critiquée. Oui, ouais, je pense que t'as raison, parce que, en fait, dans BioShock, elle a été critiquée, et à l'inverse, dans Dead Space, c'est quelque chose qui a été assez apprécié. Parce que justement, c'était intégré de manière maline, et il y a un truc, bah, Max, je vais te le laisser le dire, le fait que ça soit de la SF, en fait, c'est ce qui permet ça. C'est un truc que t'avais. Bah, c'est tout bête, mais comme on disait, voilà, il y a pas de HUD, et bah, le setting SF permet, en fait, vraiment cette projection d'inventaire, ce truc, parce que finalement, c'est Hugo qui le relevait aussi, justement, c'était que c'est très souvent cité comme un exemple de jeu qui a pas de HUD, mais c'est pas un truc qui a été repris énormément, en tout cas pas tant que ça. Je pense que la philosophie de HUD au moins discret a beaucoup été reprise, voilà, c'est inspiré, où ils se sont dit, ouais, en fait, les HUD invisibles ou discrets, c'est quand même plus élégant, mais en fait, tous les jeux peuvent pas le faire. Par exemple, on parle de God of War, du fameux plan séquence, et nous, on avait dit que, bah, en fait, c'est un plan séquence dans la narration, le scénario, mais en fait, dans le jeu, il y a plein de coupures, parce qu'il y a beaucoup de menuing, hein, y a beaucoup de surcouches RPG dans God of War, tu vas beaucoup aller dans les menus, tu vas beaucoup crafter et tout. En fait, God of War peut pas faire ça avec son univers, il peut pas faire des hologrammes, des choses dans l'univers. Kratos, il y va là, il peut pas. Non, on peut pas mettre sa vie dans son dos, ça marche pas. Ouais, alors, voilà. Ils auraient pu faire son tatouage. Il y a pas un jeu où il y avait un tatouage comme ça. Il y a sûrement des jeux où avec des tatouages, tu sais, qui doivent être remplis. Oui, oui, oui, ça me dit quelque chose. Bah, t'avais déjà un peu Hellblade qui avait ça. Alors, tu le vois pas, mais tu sais, t'avais un délire de marque qui prend sur toi. Et t'avais un peu Far Cry aussi. T'avais en fonction des upgrades que t'avais sur le. Oui, oui. Là, c'est tatouage. Tatouage complété, tu vois. Non, mais je suis sûr qu'il y avait un ennemi, un truc, il y avait un tatouage tribal ou qui devait se remplir. Ça me dit quelque chose, mais j'arrive pas à remettre le doigt dessus. Mais du coup, le discret, le setting SF en fait permet vraiment. Ouais, de faire cette intégration comme ça, vraiment des informations pertinentes pour nous, joueurs, joueuses, de les intégrer. Et pour Isaac. Parce que c'est ça qui est cool, en fait. C'est que ce que nous, on voit, c'est ce que Isaac voit. C'est ça qui est vraiment la notion d'un tragédique, c'est ça, en fait. C'est-à-dire À part sa barre de vie, il la voit pas dans le dos, mais il peut voir celle de ses collègues. Oui, c'est vrai. Voilà. Savoir s'ils sont bien. Ça va, sa colonne vertébrale. C'est vrai, non. Il est mort, lui. Ou la scoliose, très mauvaise scoliose. D'ailleurs, Isaac, il est un peu plié en avant. Je sais pas si la scoliose, c'est la colonne vertébrale. T'as vu la taille de son casque? Oui, ça doit très bien sur la nuque. Store vénitien sur son D'ailleurs, cette armure qui est devenue quand même iconique, ça on peut le noter, c'est vrai elle que est cool, hein. Le design de l'armure, elle est vraiment restée. Ouais. C'est un jeu qui, justement, grâce à tous ses choix, en fait, d'intégrer ce côté jeu vidéo dans l'armature, je dirais, d'Isaac, bah, ça lui donne une identité très très particulière. Pour moi, l'armure, elle est peut-être aussi iconique que celle de Samus, tu vois. C'est ça, en fait, tu reconnais instantanément. Enfin, tu vois, maintenant, si on voyait, en fait, et je pense que c'est peut-être même pour ça d'ailleurs que peu de jeux l'ont refait, c'est que le jour où on voit un jeu avec une barre de vie sur une colonne vertébrale, les gens vont se dire, ah oui, c'est Dead Space. Et c'est un peu dommage parce que, on le sait, les jeux vidéo ont tendance à s'imiter pour pouvoir avancer, etc. Mais là, je trouve que ça fait partie des éléments où c'est vrai que c'est compliqué de les reprendre parce que ça va être très référencé. Et surtout, comme le disait Max, j'ai trouvé ça très malin, c'est cette idée que, il faut qu'il y ait une espèce de technologie, il faut qu'il y ait une justification dans l'univers pour expliquer pourquoi t'as ça, quoi. Et même si, une barre de vie s'est pétée dans le dos, mais en fait, quand tu joues, tu dis, it makes total sense, tu vois, ça marche. Mais en même temps, par contre, la jauge de stase, la jauge d'oxygène et tout, ça c'est super malin. C'est logique. Et d'ailleurs, ils ont en fait le taux qui a été mis comme ça dans le dos, et en fait ça vient des tenues de plongée. En fait, ils ont vu, ils cherchaient justement une solution, et un mec a dit, ouais, mais regardez, sur les tenues de plongée, on voit le temps qui reste, c'est indiqué en fait le temps qui te reste d'oxygène et tout. Ils se sont dit, tiens, on va reprendre ça, on va faire comme s'il avait une combinaison de plongée, sauf pour l'espace, pour la vie. Et c'est en fait à partir de ça que ça s'est dessiné. Et on avait parlé de Métro il n'y a pas si longtemps que ça, tu vois, c'est peut-être un jeu, en tout cas, il a fait le parti pris du pas de HUD, tout justifié diégétiquement. Mais pour en venir, c'est marrant parce que c'est aussi des tropes de la SF, parce qu'on se dit tout est justifié, c'est logique. Et en fait, non, tu réfléchis à un inventaire, c'est-à-dire que ça montre pas tout ce que t'as dans tes poches, t'es censé non, non, non, bien sûr. Mais en fait, c'est bon. Mais ça marche, tu vois. C'est comme, les écrans transparents, en fait, quand ils pensent, c'est un peu con, parce qu'il suffit qu'il y ait une source de lumière derrière, tu vois plus rien. Tous les gens, ils voient ce que tu consultes et tout. Enfin, il y a des tropes de SF qu'on a vachement accepté qui marcheraient peut-être Max, pas. Max, il détruit Minority Report en deux secondes. Iron Man, tout ça. Je me souviens, c'était le dessinateur Boulet qui avait fait une petite BD là-dessus en disant, mais les écrans transparents, en fait, c'est une connerie, en fait. Oui, t'as pas envie que les autres gens voient ce que toi t'es en train de regarder. Mais voilà, tout ça pour dire, c'est vrai que cette UI diégétique, c'est vrai que c'est très réussi. Et ça donne du coup en plus un jeu, bah ouais, comme il n'y a rien sur l'écran, en fait, tu peux vraiment profiter des environnements et tout de l'Ishimura. Avec en plus, bon, ça on va pas trop revenir dessus parce qu'on a déjà pas mal avancé, mais voilà, sur ce backtracking, c'est vraiment un vaisseau qu'on va pouvoir traverser, éprouver comme ça en revenant, en faisant des allers-retours. Et ça, c'est vrai que c'est un code de l'horreur qu'on retrouve beaucoup et qui fonctionne en fait. Moi, je trouve que c'est l'Ishimura est un de ces endroits du jeu vidéo que j'ai eu l'impression vraiment de visiter, un peu comme Rapture, un peu comme la station de près. J'ai beaucoup pensé après hein, en jouant à Dead Space. Je pense que c'était un des benchmarks à mon avis pour le jeu. Et c'était un de leurs objectifs de faire l'Ishimura un des caractères du jeu. Tu vois, tu retrouves des vieilles conférences de la GDC là de l'époque où en fait il y en a une où il y a pas la vidéo mais il y a juste les slides de l'auteur et il le dit. Oui, l'Ishimura c'est un des personnages du jeu. Ils l'ont vraiment essayé de le traiter comme ça avec chaque lieu. Enfin, tu vois, Max, toi tu l'avais noté le fameux coup des couloirs qui ont chacun leur identité visuelle très marquée, etc. Et c'est vrai que chaque lieu, tu peux les reconnaître, même si de loin tu pourrais dire ça pourrait quand même être assez compliqué parce que tout est très industriel, tout gris marron, mais en fait non, vraiment chaque lieu a une identité très très identifiable. Et je m'attarde juste sur la notion parce que tu as dit la backtracking et horreur, c'est une recette qui est connue, et en fait c'est intéressant de s'attarder sur le pourquoi, parce que le backtracking fait que tu vas repasser par des endroits que tu connais déjà en tant que joueur, que tu as même potentiellement traversé plusieurs fois, parce que dans Dead Space moi ça m'est arrivé de faire des allers-retours pour aller au store pour revendre parce que mon inventaire était plein à craquer, donc j'ai revendu des trucs, ou alors je suis allé chercher un établi pour pour investir mes points de pouvoir ou quoi. Tu les traverses plusieurs fois, tout est safe, il n'y a pas de problème, et une fois que tu as trouvé tel objet ou que tu as rempli tes objectifs, là il va te mettre des monstres sur un chemin avec lequel tu étais familier, et du coup il te bouscule en fait dans tes habitudes, et c'est un truc que fait Resident Evil, tu vois, c'est vraiment la recette Resident Evil de te foutre des monstres à un endroit que tu pensais connaître, quoi. Et puis je trouve encore une fois, si on compare par exemple, je sais que dans les autres Dead Space on va voir des environnements beaucoup plus différents, on va voyager, il y a un moment il y a une école, on va aller dans la neige, c'est des une trucs. Station spatiale, il y a plein de choses qui se passent, et là vraiment on est que dans une station spatiale, et je trouve que ça fait partie, en fait quand tu ressors du jeu t'as vraiment l'impression d'avoir vécu dans ce truc là et pas d'avoir fait une espèce de grand voyage et tout. Alors ça, ses avantages, du coup ça donne cette cohérence, mais c'est quelque chose qu'on pouvait reprocher à l'époque, juste manque de diversité des trucs, mais je trouve qu'au contraire ça donne une espèce de cohérence et une identité assez forte au jeu. Il te montre le plan de la navette à chaque fois, t'as plus ce en sentiment, plus c'est un écran de chargement, tu vois, c'est vraiment des niveaux qui sont totalement séparés, il dit quand même fin du chapitre machin, mais on te dit il y a un tram au milieu qui circule et qui fait la navette à l'intérieur du vaisseau, et voilà. Et à aucun moment donné, tu sais, tu te dis il n'y a aucun monstre qui est sur le chemin du tram. Non, ça, ils sont sympas, oui, ça, le tram est safe. Ils auraient pu très bien nous faire les monstres ne prennent pas le tram parce qu'ils n'ont pas leur abonnement, tout simplement. Alors, et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça reste une aventure qui est assez fluide en fait, parce que le coup du tram, il le disait sur la conférence GDC sur lui et tout, il dit que toi quand t'es dans le tram, tu regardes un plan du tram, ça va zoomer sur le plan puis ça va dézoomer, enfin il y a cette volonté, même si comme dit on le sent le temps de chargement, il y a comme dit il y a chapitre machin terminé, mais il y a une certaine volonté de pas couper l'action quand même, en tout cas de la réduire au minimum. Non mais ça marche bien, je trouve qu'en plus il est très bien rythmé le jeu, c'est vraiment bien découpé, un chapitre en général ça fait 45 minutes, une heure, c'est quelque chose, tu peux faire une bonne petite session de jeu, il y a beaucoup de sauvegardes, c'est un jeu quand même qui a cette accessibilité, cette fluidité qu'ont les AAA, et je trouve qui aujourd'hui, 12-13 ans plus tard, fonctionne totalement. Et puis ça se renouvelle bien, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a quand même une évolution des situations, alors des fois c'est plus ou moins heureux, c'est vrai que on l'a pas dit, mais la séquence où tu tires sur des astéroïdes avec tes mitrailleuses, c'est pas incroyable, mais il y a quand même diversité. À un moment donné, tu vas envoyer les babales dans l'espace, ensuite tu vas poser un truc sur une espèce de grosse météorite. À un moment, tu vas aller visiter l'autre vaisseau, donc du coup, tu changes d'environnement, c'est plus les mêmes monstres que tu croises. Enfin, le jeu parvient, je trouve, à bien se renouveler tout du long, et ça, moi, j'ai trouvé ça assez fort en fait. Comme on l'a dit, on les a déjà évoqués, mais les phases en zéro gravité, en termes de déplacement, elles marchent vraiment bien. Tu as la caméra, elle recule, tu peux sauter sur n'importe quelle surface quasiment, donc vraiment, ça aussi, ça dynamise. T'as aussi le moment avant la première phase de shmup, tu cours le long d'un couloir qui est dehors et t'as des météorites qui s'écrasent pour se cacher. Voilà, c'est un peu basique, on reparlera peut-être aussi on peut y aller là-dessus, sur ce côté effectivement très jeu vidéo qu'on retrouve, qui a ses avantages, je trouve, vraiment en termes de rythme, c'est-à-dire les puzzles, les combats, les machins, il y a un côté un peu scolaire, on va dire, dans la création du jeu, mais ça marche bien en fait. C'est un jeu vidéo de 2008, mais ça se suit bien, tu t'ennuies pas. Sur une heure de jeu, tu vas faire un petit peu de puzzle, tu vas faire pas mal de shoot, tu vas arriver dans un nouvel endroit, parfois tu t'arrives, je me souviens, dans les quartiers de l'équipe équipage où tout est gelé parce que justement ça a été c'est cassé et du coup il y a l'espace qui a repris un peu ses droits à l'intérieur de la machine. T'as les machins où il n'y a plus de gravité, tu sais, où, où toi si tu marches tu te fais projeter au plafond et tu te fais tuer, c'est dégueulasse. C'est vrai que ça aussi dans le jeu vidéo c'est aussi assez c'est le très jeu vidéo ça. Mais ça c'est marrant, tu vois, c'est vraiment un truc, tu vois, là, alors je marche, si je marche ici je meurs, donc ça c'est vraiment genre c'est jeu vidéo. C'est pas genre le truc qui s'écroule sous tes pieds et des piquants, non, c'est un truc qui vient de l'enfance, c'était comme quand tu marchais sur le bord du trottoir en disant là il y a la lave, là il y a les crocodiles. Je marche là. En fait, le jeu il arrive à conserver un équilibre qui est quand même assez délicat entre volonté d'immersion, on l'a dit, l'action elle est fluide, il n'y a pas d'huile, enfin vraiment, il essaie vraiment de t'immerger dans le truc. Et de l'autre côté, on l'a déjà dit, il y a une structure quand même très classique à base de va ici, va là-bas, ah non, faut faire ça, ah non, machin. Enfin, tu te fais balader pendant 12 heures. Le côté, les ennemis ils dropent des munitions, du cash, enfin tu sais, t'as quand même des bébés monstres, ils lâchent de l'argent, tu vois. Enfin, c'est quand même. Ça, Maxime, ça l'a choqué. Non, c'est vrai que c'était écrit en gras en fait, dans le conducteur. C'est absolument pas choquant dans d'autres jeux, mais c'est vrai que comme là, il y a une attention qui est portée sur certains détails, et à côté de ça, il y a ça, et du coup, c'est pas un énorme défaut, tu vois. Je prétends pas avoir une meilleure solution que ça, mais ça choque plus en fait. Ça, forcément, ça, comme dit, il y a les deux aspects. Tu parlais des babales vertes, bon, moi, c'est un moment que j'ai pas trop aimé où je disais, bon, je commençais à trouver le jeu aussi un petit peu. Pas long, mais que ça commence. Il arrivait un peu au bout de ses idées. Oui, je trouvais, un peu à la fin. Et t'as le moment où il faut envoyer des babales vertes, tu vois, dans l'espace. T'es un peu, ouais, bon, ok, les gars, là, c'est quand même. Non, après, tu vois, il y a ce côté aussi. Il y a le magasin, il y a le truc où tu vas pouvoir. Armure niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc, il y a tout ce folklore-là, toute cette imagerie vraiment vidéoludique qui est mise comme ça dans le jeu. Moi, honnêtement, je trouve ça pas si dérangeant. Non, en fait, ça va. Je le subis pas. Ça me dérange pas, en fait. Je suis dans des codes où je me sens limite bien, tu vois, genre, oui, je vais avoir mon armure niveau 2. Niveau 3, je suis content. En plus, quand tu changes d'armure, c'est toujours c'est un cool, truc, c'est un moment c'est stylé, sympa. Voilà, il a plus de rayures. Il a plus de rayures, c'est trop classe. Il est plus fort. Il pèse 10 kilos de plus devant, voilà, à chaque fois, en se rajoutant des espèces de barres de métal devant. Il y a aussi les nodes, là, les nœuds pour pouvoir créer les armes. C'est pas. Ouais, c'est un peu le bordel, tu vois. Tu sens qu'ils ont trouvé un système qui est pas forcément hyper intéressant. Il y en a où tu dépenses pour rien et tout. Oui, bah c'est un mode. Encore une fois, c'est dans un mode puzzle, un peu optimisation qui est peut-être pas. Tu vois, je pense que ça va pas vraiment en faveur du jeu qui se veut justement fluide, qui veut que dans les menus, tu sais, ça fasse pas pause ou quoi. Sachant que c'est pas en pause non plus dans les établis, mais à partir du moment, parfois tu peux y passer quand même 2, 3, 4 minutes, tu vois, à dire attends, parce qu'il faut vérifier chaque arme. Tu dis, bon là j'ai que 3 nodes, où est-ce que ce serait le mieux de les dépenser, plutôt cette arme-là, machin. Et en fait, je trouve que ça te met dans un mood qui est pas forcément bon pour un jeu qui veut se baser sur l'ambiance, la peur, la crispation. Ça te quitte un peu, tu vois. Après, je pense que ça peut participer. Moi j'aimais bien, ça donne ce sentiment un peu de sécurité, tu vois. Je prends mon temps, j'améliore mes armes, j'achète mes petits trucs et ensuite je repars au combat. Tu sens que The Last of Us n'était pas passé par là encore, parce que s'amuse avec plus tard. Si tu as ça en fait dans Dead Space, j'ai eu un moment, alors parce qu'on avait vu sur des commentaires et tout, a priori dans Dead Space tu peux te faire attaquer pendant l'établi. Donc moi j'ai essayé tous les établis, tu vois, pour voir si ça arrivait à un moment. Et même quand j'avais pas de points à dépenser, tu vois, juste pour voir. Et il y en a un. J'avais pas de points à dépenser, donc j'attends 10 secondes, il se passe rien et j'annule. En fait, t'avais un ennemi juste derrière, donc je sais pas encore si j'avais attendu genre 10 secondes de plus s'il allait m'attaquer ou quoi, mais ils ont quand même pensé à ça. Ouais, tu vois, ouais, au fait, d'accord. Que quand tu sors de l'établi, boum, t'as un monstre. C'est vrai que là, ça m'a fait sursauter. Mais voilà, donc bon, une structure qui est assez convenue, on sait où on va et c'est peut-être ça le truc du jeu, c'est que à la fois sur son scénario, à la fois sur ses mécaniques qui sont bien exploitées, mais on sait où on va tout au long du jeu. Il n'y a pas d'énormes surprises. J'ai bien aimé quand même les combats justement avec le Némésis, là où il faut trouver une espèce de solution pour s'en débarrasser. Donc une fois avec la glace, une fois avec le feu. C'est là que j'ai compris qu'on pouvait staser les ennemis, parce qu'à un moment, je me suis dit, il doit y avoir un truc. Il habite quand même, hein, c'est pas pratique. Hein. Mais oui, le jeu, il est efficace. Enfin, je pense qu'on peut dire, il y a un côté, voilà, comme tu dis, on s'y attend un peu. Moi, personnellement, voilà, en 2021, quand j'y joue, je me dis, j'aurais bien aimé qu'il dure maximum 10 heures, tu vois, plutôt que 12, même 8, 9, tu vois. Je pense que ça aurait été un scandale à l'époque s'il avait duré moins de 10 heures à plein pot. Voilà, je trouve qu'il s'essouffle un peu, comme on l'a dit, mais voilà, on peut pas vraiment lui... Enfin, il y a des trucs qui marchent toujours très bien, le rythme il est bon, le démembrement ça marche toujours super bien, c'est une idée qui a pas été exploitée, hein, plein d'icônes comme on l'a dit. Non, mais c'est un jeu vraiment, c'est pas déconnant d'y jouer aujourd'hui. Hein. Et ça c'est cool, place, tu vois, le côté, un jeu qui vieillit bien, même graphiquement, il est pas forcément, tu vois, si dépassé, alors qu'on a deux générations dans les pattes. On y a joué sur PC, oui, bon, tous on y a joué trois, sur PC. Hein, donc, bon, en général, non, mais pas de mode, à... pas de machin. Mais oui, non, c'est propre. En fait, comme il y a un sound design et tout, comme la DA elle est propre, comme tout est bien, pour moi c'est toujours ça. Franchement, la clé c'est que un jeu, quand il était bien dans son époque et qu'il avait une idée intéressante et que tout était propre, pour moi, il n'y a pas de raison vraiment que ça vieillisse de ouf, tu vois. Et je trouve là, Dead Space, ouais, 12 ans plus tard, de toute façon, pour moi, depuis qu'on est dans l'ère HD, bon, bah voilà, peut-être si tu joues Assassin's Creed 1, c'était un peu plus dégueulasse. Mais là, sur un jeu linéaire comme ça, non, franchement, c'était très clean, tu vois. Non. Et je trouve que l'expérience est, ouais, totalement, totalement pertinente. Tu joues à The Last of Us 2, oui, il y a plein de trucs qui ont été améliorés sur la narration, mais je trouve que dans les 3C, dans les principes, dans le GD, on est dedans, non, on est dans les coups. Ça reste assez similaire. Hein. Ouais. Non, non, une étape d'après, ce serait peut-être Dead Space 2, comme je l'ai pas fait, mais comme on l'a dit, c'est un jeu qui réfléchirait à partir de quelque chose qu'on n'avait pas, à ce moment-là, typiquement la lumière, l'ombre, machin. Oui, là, il y aurait un concept, tu vois, un truc un peu plus poussé, puisque lui, il réfléchissait en termes de démembrement, de moteur physique, c'est ça qui a dicté vraiment l'identité du jeu. Et c'est ça aussi qu'il y a à retenir, c'est que autant on a dit qu'il était référencé d'un point de vue setting, esthétique et tout, mais il a tiré finalement vraiment une identité dans le paysage vidéoludique. Là, c'est moi qui vais le dire, comme déjà dit, voilà, le démembrement, le HUD très discret, enfin c'est, ouais, l'armure, c'est, voilà, l'armure, ouais, finalement il y a vraiment des choses qui restent de Dead Space et on s'en rend de plus en plus compte, en fait, enfin je pense on s'en est rendu de plus en plus compte au fil des années, puisque comme on l'avait déjà dit au début, c'est que t'as eu Resident Evil 5, le 6 quelques années après, et ouais, c'était une bonne alternative finalement Dead Space, que le 2 a été plutôt apprécié. En général il est moins apprécié que le 1, mais en général on te dit fais le 1 et si t'aimes bien tu peux faire le 2, il n'y a pas de souci. Par contre, le 3, là, en général, il y a un consensus comme toi, il est vraiment pas bien. Quelques gens l'aiment, hein, évidemment, mais bon. Oui, mais en disant que voilà, il y avait une espèce de virage vers l'action qui a été pris avec le 2 et qui a été complètement accentué avec le 3. Et là, les retours sur Metacritic, on avait vu, hein, c'était même pas 70 pour le 3. Hein, donc vraiment, ça avait pas marché. Et puis surtout, au niveau vente, bah, comme on l'avait dit, ça n'a jamais été à la hauteur des espérances de EA. C'est vrai qu'avec le deuxième, ils attendaient au moins 5 millions de ventes. Ils en ont fait que 4 au final. Et donc, voilà, ils ont laissé une dernière chance pour le 3. Je pense que le gros virage action a été fait pour se dire bon, bah, on va essayer d'aller rattraper ça, mais finalement ça n'a pas marché. Ils ont essayé de faire un peu une Uncharted, je pense, où ils ont essayé de faire de plus en plus d'action. C'était intéressant avec quelqu'un, alors je sais plus qui, mais quelqu'un qui avait bossé sur la licence, qui disait c'est un peu le dilemme des suites, c'est-à-dire qu'il faut faire pareil mais différent. Une des possibilités du coup c'était de faire plus d'action, parce que comme on l'a déjà dit quand même, Dead Space a toujours été aussi action, le premier il était action aussi. Pas se mentir, voilà, on va tout défoncer, on n'est pas si vulnérable que ça, mais finalement là ça tendait peut-être trop vers action, surtout le 3 où là c'était beaucoup trop action. Je crois que même la gestion des ressources, en fait c'est les mêmes munitions, oui c'est les mêmes munitions pour tout on a peut-être trop perdu l'essence de Dead Space, en tout cas selon le public ça n'a pas marché. Et puis c'est pas ça vraiment qui va coûter le destin de Visceral Games, mais pas loin, puisque juste après le 3, après Dead Space 3, c'est leur dernier jeu sorti, puisqu'ils vont se lancer sur le développement de Star Wars 1313 avec Amy Henning, hein, qui avait été mis sur le projet, et puis ça n'aboutira pas, Visceral Games fermera en 2017. C'est le moment d'ailleurs où on disait que le jeu vidéo solo va mourir, et oui, c'est vraiment la fermeture de Visceral, c'était un truc marquant, gros choc, parce qu'en plus le trailer de 1313 il était quand même assez impressionnant, on était, tu vois, dans une époque où on avait Star Wars, vraiment c'était dit, cool, pourquoi pas, quoi, ouais. Tu vois, au contraire, moi ça faisait partie des jeux, je pense que beaucoup de gens l'attendaient, et finalement ça a été annulé parce que justement c'est le moment où EA est vraiment en train de prendre ce virage du jeu service, tout simplement parce qu'ils se rendent compte que le bif il est ailleurs, quoi. Et oui, un peu comme on l'a dit au début, c'est que voilà, si on reprend un peu les casquettes d'un investisseur ou quoi, suffit que Dead Space 3 soit un échec, que les 1 et 2 aient pas autant marché que ce qu'ils pensaient, et surtout ils avaient quand même, au début on s'est dit non mais attends, ils déconnent, parce que Dead Space 2 il a fait 4 millions, enfin moi je trouve ça bien, tu vois, vraiment 4 millions pour un jeu comme Dead Space que nous aujourd'hui on associe, alors pas vraiment la niche, 4 millions c'est pas de la niche, mais à l'échelle des AAA, oui il est loin des 10 millions. Et on a même regardé, tu vois, un Resident Evil 4 qui est une référence, il a pas fait 10 millions à l'époque, tu vois, il a pas fait en quelques années ou quoi, c'est parce que aussi le budget finalement était très élevé, on s'est rendu compte, quand même genre une centaine de millions de dollars, c'est effectivement, si les Dead Space ils ont chacun coûté entre 100-150 millions, il suffit que le 3 il échoue pour que licence finalement elle ait pas été si rentable. D'ailleurs ça, on n'a pas vu les ventes, on n'a pas les chiffres de vente du 3, donc c'est juste qu'elles sont décevantes. C'est ça. Et un bon signe, en fait, du succès, ou en tout cas du manque de succès, justement, de Dead Space, c'est que contrairement à énormément de jeux, on n'a pas eu de remaster. Oui, c'est vrai, où il y a des remasters de tout et n'importe quoi. Même un portage. Même un simple portage, tu vois. Aujourd'hui, tu veux jouer à Dead Space, tu peux pas y jouer sur une version un peu améliorée, avec graphisme 4K, machin bidule, il n'y en a pas. Autant ils ont fait avec Mass Effect, et encore, ils ont mis pas mal d'années à le faire, avec un résultat qui n'est pas non plus complètement incroyable. Mais du coup, ils n'ont pas voulu faire ça. Et tu sens que Dead Space, ça fait partie des trucs qui ont été mis de côté, comme Mirror's Edge. Edge, voilà, le studio n'est plus là, contrairement à BioWare qui sont encore là pour pouvoir éventuellement travailler sur le. Pour sur combien de temps, les pauvres bon courage. On ne sait pas, c'est la vraie question. Mais par contre, c'est vrai que Glenn Schofield, hein, dont on parlait, qui était vraiment le producteur du jeu. Du 1, par contre. Du 1, tout à fait. Il est parti après. Donc on l'avait dit, il a fondé Sledgehammer, qui est devenu un studio qui est pourvoyeur de Call of Duty chez Activision. À la base, l'idée d'ailleurs, c'était de faire un spin-off à la troisième personne de Call of Duty. Il leur avait dit, on a fait Dead Space, on peut faire un spin-off. Et au final, il y a eu un problème avec Infinity Ward. Ils ont dit, vous allez juste prendre Infinity Ward au pied levé, vous allez remplacer et faire des Call of. Entre temps, il y a dû avoir Modern Warfare qui est sorti, tu vois, ou un truc non, du genre. Non, mais c'est juste qu'il y avait des problèmes avec Infinity Ward et du coup, ils n'avaient plus assez de mains pour pouvoir faire le Call of tous les ans comme ils voulaient le faire. Et du coup, Sledgehammer a fait du Call of tout simple. Et là, Glenn Schofield, il a quitté Activision, il a fondé son propre studio et il bosse sur un jeu qui s'appelle The Callisto Protocol. Et si vous allez voir le trailer, c'est vraiment du Dead Space pur jus. Hein. On sent vraiment que ça ne l'a pas quitté. C'est vraiment vendu sur le site, c'est par des créateurs de Dead Space, machin. Enfin, c'est vraiment mis en avant. Et ils ont raison, je pense, tu vois, comme dit, Dead Space 2 qui a pu faire 4 millions de ventes. C'est-à-dire qu'il y a une place vraiment pour ça. Les gens regrettent beaucoup Dead Space. Là, Resident Evil reprend du poil de la bête, mais je pense qu'il y a toujours vraiment une place pour un Dead Space qui a, comme on l'a dit, qui avait vraiment une identité. Et donc, oui, un Dead Space aujourd'hui, alors qu'il ne coûterait pas 150 millions de dollars, il a sa place. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens en plus qui seraient prêts, qui seraient chauds, qui ont peut-être joué à Dead Space depuis. Nous, on le conseille toujours aujourd'hui. Tu vois, on a joué quand même en 2021. Depuis, il y a un truc qui s'appelle YouTube et Twitch qui a explosé et qui mettrait en lumière beaucoup plus en avant ce genre de jeu-là. Et surtout, on se rend compte qu'il y a ces histoires de cycles. Tu vois, dans le jeu vidéo, il y a des jeux qui n'ont pas forcément bien marché au premier temps, qui ont le droit à une deuxième chance et qui refonctionnent bien. Tu vois, là, ils ont sorti Nier Remaster après le succès d'Automata. C'est un exemple un peu quand même assez caractéristique, mais il y a d'autres jeux comme ça qui, comme ils ont gagné en fait en espèce de. Ils ont gagné une espèce de prestige. C'est pas mal. Prestige, comme dans Call of Duty, en Prestige 2. Ouais. Après, le truc, c'est que ils ont quand même donner sa chance à Mirror's Edge. Ils avaient fait Mirror's Edge Catalyst, c'est ça, je crois, qui n'a pas du tout marché. Donc, on ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir essayé au moins un truc. Et là, clairement, ils se sont cramés. Ils ont dû dire allez, vas-y, c'est bon, on arrête ces conneries. C'est sûr que maintenant, ils sont vraiment en mode ça suffit les conneries. Bon, on va donner une chance, c'est bon, allez, maintenant. It Takes Two, mais voilà, c'est tout. Ouais. En indé, ils sont quand même relativement présents, plus que ce qu'on pourrait croire pour des petits jeux indés ou plus petits formats. It Takes Two qui marche très, très bien d'ailleurs, qui est toujours dans les classements là, qui fonctionne vraiment très bien. Des jeux aussi cool qui jouent à deux, il n'y en a pas non plus pléthore, donc on vous le recommande, le test sur une chaîne très bien, Exerve, regardez. Non, mais il y a des liens aussi, je crois. Tout à fait, mais on peut retenir en fait ça, tu vois, c'est vraiment une période de EA un peu à part, une espèce de petite parenthèse où au début de l'ère HD, ils se sont dit, pour continuer de survivre, il faut qu'on diversifie notre portfolio, tu vois, je vais parler en tant qu'investisseur, il faut qu'on diversifie comme ça notre porte-monnaie, notre portefeuille d'IP. Pas mettre les œufs dans le même panier. Exactement, ils se sont dit, il nous faut plus de licences fortes, etc. Et finalement, ils se sont rendu compte, en fait, il nous faut des microtransactions. Il nous faut le fut et le football. Ouais, non, mais non, tu sais, c'est le FIFA Ultimate Team. On appelle ça le fut. Non, excuse-moi, tu es plus connaisseur que nous, vraiment. Mais c'est ça, la poule aux œufs d'or de FIFA aujourd'hui, c'est le fut, justement. Le FIFA Ultimate Team. Mais oui, je trouve ça trop drôle que ça s'appelle le fut, évidemment. Mais bref, donc c'est vrai qu'ils ont complètement embrassé ce système-là par la suite. En plus, il y avait toute cette idée, dans les années 2010-2015, que le jeu solo, c'est foutu, ça ne marchera plus, etc. Chose qui a été finalement démontré par Sony qui a vraiment pris ça à bras le corps en disant ça marchera plus, hold my beer, et finalement ils font que ça aujourd'hui. Mais en même temps Sony, ils ont des moyens de mastodonte justement pour faire ça, parce qu'ils sont sur leur ligne éditoriale et tout, ça sert leur économie d'exclusivité, donc il y a toute une stratégie derrière en fait qui permet d'entretenir ce genre de triple A solo à très très gros budget. Et eux, ils ont fait des jeux solo qui se vendent plus de 10 millions, ils ont des gros succès, comme EA, comme on l'a dit, mine de rien, tous les jeux qu'ils ont fait et tout, ils ont pas très bien marché en tout cas, pas autant que ce qu'ils voulaient. Mais c'est intéressant sinon de noter que la Callisto Protocol, il est financé par ceux qu'on fait PUBG. C'est peu Blue Hole, ils ont créé une holding. Ils ont été rachetés ou je sais plus quoi. En fait, ils ont créé. Non, mais Blue Hole a créé, comme souvent dans les très grosses entreprises, qui diversifient leurs activités. Un peu comme Google et Alphabet, tu vois. Non, mais ils créent une entreprise qui va tout gérer, tu vois. Je sais plus laquelle est laquelle. Mais du coup, c'est marrant. Enfin, du coup, il est financé par un jeu service, en tout cas un jeu multi PUBG. Ouais, et en plus, The Callisto Protocol, ça se passe dans l'univers de PUBG. PUBG. Parce que évidemment, bon, l'univers de PUBG, vous avez lu les livres, vous aussi. La série Netflix arrive, on l'a vu. Battle Royale. Mais oui, du coup, le truc Dead Space, oui, ça se passe dans l'univers de PUBG, mais tu sens que c'est. Oui, ok, ça on avait besoin de sous. Eux, ils avaient besoin de continuer de faire vivre leur truc. Ça marche. C'est bien, tu vois, les choses convergent. Pourquoi pas. On verra le pourquoi du comment. Peut-être qu'on fera un épisode dessus, qui sait. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour dire que Dead Space, c'est un jeu assez iconique et en plus, qui est peut-être vraiment peut-être le plus grand représentant de cette période d'IA et en plus, qui a connu le destin un peu funeste, voilà, son studio qui a disparu, etc. Donc voilà, un jeu assez intéressant et voilà, sur lequel on avait envie de revenir. C'est désormais chose faite. Merci, fin du game. Voilà, c'est terminé. ça fait partie des jeux, tu vois, que j'aurais pas fait et je suis content de les avoir fait parce que fin du game. Totalement. Tu vois. Totalement d'accord. À partir du moment où on a commencé à discuter des jeux un peu old school, où on s'était dit, ouais, on peut aller un peu plus dans le rétro, parce que oui, pour nous, c'est un peu rétro, c'est vrai que Dead Space, il arrive assez vite, assez naturellement, rapidement, en mode, ah oui, Dead Space, ça va être bien, etc. etc. Donc il y a des jeux comme ça où on est content de pouvoir en parler. Et puis j'ai passé un bon moment dessus. Ouais, en fait, c'est cool, hein, c'était propre, ça tu vois, j'avais, j'avais jeux aujourd'hui, vraiment rien à. Pas grand chose à redire. Je ferai pas le 2, je pense. Non, je suis content, je l'avais déjà fait avec un pote à l'époque, mais bref. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve, alors peut-être pas dans deux semaines, justement, un peu plus mi-juillet, autour de presque mi-juillet. Un mois. Voilà, trois semaines, un mois. D'ici la sortie de l'épisode, les dates seront un jour sur le Discord. Oui, voilà, on vous donnera ça, tout ça sur Discord. Merci évidemment de nous soutenir sur Patreon. Hop, juste après l'épisode. Ouvrir nouvel onglet Patreon, créer compte, donner 50 euros. Non, donner... Par épisode, ouais, oui. Le monolithe ça. Patreon. Très bien, donc merci de nous soutenir. Merci si vous faites le choix de nous soutenir. Et puis évidemment, merci à celles et ceux qui sont là depuis longtemps parmi ces centaines de soutiens. On remercie également Third Edition, le bouquin de Ruffio sur le sport, le manga qui arrive vraiment, si c'est aussi bien que ce qu'il a fait sur YouTube, sur le fut. sur le film japonais, aller, hein, vraiment, Captain Tsubasa, c'est ça, c'est des trucs comme ça, non? Moi, je pense qu'il va plutôt parler de Slam Dunk et ce genre de trucs. D'autres là, trucs mais... Si jamais, parce qu'on parlait de commun, je me souviens d'une vidéo qui était sur la boxe, tu vois, la boxe au Japon, les mangas de boxe. Sur le ping-pong aussi, il me semble. C'est un grand manga, ça, c'est vraiment. C'est lui qui me l'a fait découvrir d'ailleurs, donc merci Ruffio. Et puis, le bouquin aussi de notre externe national, tout simplement, sur Diablo, qui vient d'être réédité. Genèse et rédemption d'un titan. Voilà. Ce titre un peu grandiloquent, mais ça marche bien, je trouve. Ça reste. Encore aujourd'hui, je le regrette pas. Et puis, c'est une bonne nouvelle quand il a été en rupture. Voilà. Oui, c'est vrai que ça fait plutôt plaisir quand on dit on va le rééditer. Ça veut dire que ça se vend. Merci Blizzard d'avoir reparlé de Diablo 2 et Diablo 4. Merci Blizzard. Non, mais par contre, tu vois, on est un peu entre nous, mais je me dis, bon, le jour où il y a Diablo 4 qui sort, moi je rempile quand vous voulez. Mehdi, tu m'écoutes. Voilà, une petite annexe. Le message est passé. Merci de nous avoir écoutés. Merci messieurs, ce fut un plaisir. Rendez-vous bientôt donc pour les deux fin du game de l'été. Ça va être fantastique. Vous connaissez le programme. Thème jungle et enfer. Voilà. Je n'en dis pas plus si jamais vous ne voulez pas être spoilé. Et puis voilà. Merci. Salut. Bisous. Ciao.